Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Petit message technique avant le début de cet épisode. Et oui, ce n'est pas l'épisode sur la saga Scream dont nous vous avions parlé il y a 2 semaines, car suite à quelques petites difficultés techniques pour l'enregistrement, il n'est malheureusement pas encore disponible. Mais pour nous rattraper, on vous propose un petit hors-série sur nos attentes cinématographiques de 2022. Cet épisode devait d'abord être mis en ligne après celui sur Scream, mais il sort finalement avant. On espère qu'il vous plaira quand même malgré tout, et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode sur Scream. Bonne écoute! Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin, votre serviteur, et je suis évidemment toujours avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ben moi ça va toujours. Donc pour cet épisode un peu hors série qu'on vous sort entre deux gros épisodes, on s'est dit qu'on allait tout simplement regarder ce qui nous attend sur tout l'horizon 2022, c'est-à-dire toutes les sorties en termes de films, un petit peu de séries également, mais les sorties de films qui, en tout cas, ce que nous on attend particulièrement, et les grosses sorties. Le but n'est pas de faire un inventaire complet de tout ce qui va sortir en 2002, ce serait pas très intéressant et un peu long, mais on va d'abord se pencher sur ce dont nous on avait envie de vous parler pour éventuellement voir ce qu'on attend et finalement voir en fin d'année comment les films auront été en tant que tels. On fera sûrement un petit débriefing en fin d'année. Melvin, t'es prêt à attaquer ? Toujours prêt. Commençons par février alors. Février ou plutôt les choses qui n'ont pas de date ? On garde les choses qui n'ont pas de date pour la fin ? Allez, ça marche. Février, bah, ça arrive très vite, et je sais, un film que tu attends beaucoup, le nouveau film de Philippe Lachaud. Comment je suis devenu un super-héros ? Non, super-héros malgré lui. Moi aussi, je fais la faute à chaque fois, mais ça, c'était le film qui était sur Netflix, comment je suis devenu un super-héros. Ah oui, c'était le truc de Rodriguez, ça ? Non, c'était le film français. Avec Thomas Armand. Attends, sur Rodriguez, c'était C'est nous les héros. Oh, mon Dieu, ah oui, non, mais ça, c'est alors là, on est dans un autre niveau, là. C'est nous les héros. Non mais tous les titres à la con. Alors j'avoue que moi pour le coup c'est pas du tout un truc que j'attends, le Philippe Lachaud. Je suis pas du tout client de leur humour. L'homophobie banalisée ça me fait à moitié rire. Donc ouais j'avoue que c'est pas du tout mon attente. Toi t'avais déjà eu l'occasion de le voir en avant-première non ? Moi je l'ai déjà vu ouais. Et c'est comme les autres films. Donc si on aime les autres films, celui-là il est dans le même veine. Et si on n'aime pas, c'est sûr qu'on va pas trop aimer celui-là non plus quoi. Ouais, bon, en tout cas, je me précipiterai pas en salle pour le voir. Ensuite, il y a quoi ? T'attends plutôt Moonfall, alors. La semaine d'après. Moonfall, c'est février ? Ouais, bah, c'est bientôt le 9 de mémoire. Je vérifie, parce que comme tout est décalé de 1 à 2 semaines à chaque fois. Avec, réalisé par Roland King of Subtilité Emmerich. Et oui. Ah, et franchement, l'attends, parce que les films de Emmerich, je n'ai vu, genre, quoi, ces films catastrophes, j'en ai vu pas mal. Enfin, pas mal, genre, le jour d'après, 2012. Et bon, c'est pas, le jour d'après, c'est pas mal, mais 2012, c'est pas incroyable. Mais je me dis, sur grand écran, il y a moyen que ce soit impressionnant. Et là, c'est en gros, ce serait le premier que je verrai de Roland Emmerich sur le grand écran, donc je suis curieux. Tu vois, de voir un film catastrophe, un gros budget, quoi. Roland Emmerich, j'avoue que je suis pas du tout client de son cinéma en tant que tel. C'est-à-dire que le jour d'après, j'avoue que j'aime bien. C'est pas incroyable, mais j'aime bien. Je trouve le premier Independence Day regardable, même si c'est pas du tout le genre de film que je regarde. Donc ouais, Moonfall sur grand écran, éventuellement, ça pourrait être sympa après. Oui, c'est juste pour ça, hein, j'y vais pas pour le scénar, hein, parce que là. Clairement pas. Mais ce que je regarde, c'est surtout le casting, parce que dans le casting, enfin, il y a Halle Berry, Michael Peña, mais il y a surtout Patrick Wilson. Donc on verra bien ce que ça donne. Et le même jour, il y a Mort sur le Nil. C'est déjà pas la même. Là, c'est déjà plus. Avec notre ami Armie Hammer. Le cannibale. Le cannibale. Et qui... Non, mais ça me fait mourir de rire. C'est les nouvelles promos de Mort sur une île où tu ne le vois pas. De la bonne annonce. Littéralement, 2 secondes, c'est tout. Mais après, il aura peut-être un rôle similaire à la Johnny Depp dans le 1. Oui, je pense que, de mémoire, c'est lui qui se fait tuer. Hein. Enfin, c'est. Ça fait un moment que j'ai lu le livre, je t'avoue, je ne me rappelle plus très bien. Mais je crois que je ne suis pas sûr de l'avoir lu, et pour le coup, je suis content parce que je vais pouvoir entièrement le découvrir, mais c'est vrai qu'il n'existe pas, il n'existe pas du tout dans les bandes annonces ou dans la promo. Ils ont même fait des filles personnages, tout le monde, sauf lui. Oui, du coup, tu avais fait une blague là-dessus où c'était la femme, la mariée, ils ont tous des rôles, et du coup, on imaginait Armie Hammer, le cannibale. C'est lui, ouais. En fait, ils ont fait une nouvelle fin, tu sais. En fait, c'est lui le tueur, il les a mangés. Ah non, mais c'est assez dingue. Manger que le poireau. Faut calme. Après, il y a quand même un plutôt joli casting. C'est-à-dire qu'il y a Kenneth Branagh qui reprend son rôle de Hercule Poirot. On a Gal Gadot, on a Emma McKay, on a Ali Fadzal, Russell Brand. Enfin, il y a quand même plutôt du beau monde. Oui, et puis depuis le temps qu'on l'attend. Ouais, il devait sortir en 2019. 2019, ouais, ça fait un moment, quoi. Enfin, il arrive. Et d'autant plus, bah, si jamais il a un petit succès, il y aura peut-être encore un. Je suis plutôt client de ce que fait Branagh avec les Agatha Christie pour le moment. Bon, il en a fait qu'un. Mais je suis plutôt client en général de l'ambiance qu'il arrive à mettre. J'aime pas tout de Branagh, mais là j'ai bien aimé. Tu préfères Artemis Fowl. Il fonctionne bien en inspecteur en plus, en Hercule Poirot. Déjà, Artemis Fowl, non. Ça, c'était une petite Mais après, c'est quand même, enfin, je trouve personnellement que c'est quand même il est meilleur acteur que réalisateur. Et là, c'est. En fait, je suis très curieux, je n'ai pas d'attente particulière, je m'attends juste à passer un bon moment. Donc, on verra bien ce qu'il arrive à nous faire. Recouper avec un épisode précédent, maintenant que depuis Wild Wild West. J'ai du mal à le voir dans un autre rôle que son rôle de demi-mec là, où il n'a pas de jambes. Ouais, non, mais entre ça, et parce que moi j'ai eu du temps, Kenneth Branagh, c'est un gars que j'ai connu tard, je me demande si pas avec Crime d'Orient Express justement, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de rôles que j'avais vus, genre Gilles de Roy Lockhart dans Harry Potter, j'ai fait, oh, mais c'est Kenneth Branagh. Il y a plein de rôles comme ça que j'ai découvert de lui et je ne sais pas que c'était lui. Bah ouais, clairement, c'est ça. On passe à la suite ? Avec Uncharted. Putain, mais ça, genre ce truc, mais jamais quoi. C'est. Enfin, il y a Mark Wahlberg, c'est le seul truc positif. Hein. Ouais, positif. Et encore, je vais le chercher. Le positif. Enfin, c'est réalisé par ce tâcheron de Ruben Fleischer. Donc déjà. Alors, il a fait bien mieux à Zombieland. Je sauve ça. Ouais, enfin, juste après, t'as 30 minutes maximum, t'as Gangster Squad, t'as Venom et t'as Retour à Zombieland. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup de dossiers après quoi. Non, mais c'est vrai. Je déteste Sonal, je trouve que c'est un tâcheron comme c'est pas permis, c'est ignoble. Et au casting, j'ai rien contre Mark Wahlberg, mais il faut admettre que c'est pas non plus l'acteur du siècle. Tom Holland, bon voilà, moi je suis pas du tout client de ce qu'il fait en général, Tom Holland. Donc, moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur, hein, c'est surtout par rapport aux jeux. Les jeux sont incroyables. Les jeux sont incroyables et sont surtout tellement cinématographiques en tant que tel. Est-ce que ça va être. Enfin, l'éternelle question de est-ce que c'est utile d'adapter un jeu. Après, adapter un jeu, c'est pas forcément raté. Je pense à Silent Hill ou à Warcraft. Tu l'avais vu, le Warcraft ? Non. J'ai jamais joué depuis d'ailleurs, pour le coup. Le Warcraft, je l'avais trouvé vraiment plutôt sympa, en fait. Étonnamment bien comparé au jeu. Mais ouais, là, surtout même les bandes annonces, quoi, c'est moche. Quoi. C'est très très moche. Donc, ouais, j'attends pas du tout ce film, moi, personnellement. Et puis Antonio Banderas en méchant, on a vu ce que ça donnait avec Hitman et Bodyguard 2 ou tous ces films ces dernières années, alors ça fait très peur aussi. Ah mais Antonio Banderas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un vrai bon film, honnêtement ? Très très longtemps. Mais attends, je me souviens. Non, si c'est bon, il a fait Douleur et Gloire. Ah non, parce que là, le dernier que j'ai, en tout cas sous les yeux, c'est Douleur et Gloire là, de Almodovar, et c'était en 2019. Oh la vache ! Après, il en fait des paquets de films par an aussi. Il a fait Night of Cups de Malick, mais c'était en 2015. Ah ouais, la vache. En fait, il fait un bon film, mais tous les 4-5 ans, c'est... Wow. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en février ? Un film que personne n'attend sauf moi. Hopper et le hamster des ténèbres. Juste pour le nom du film et son pitch. Personne n'a jamais entendu parler. C'est un film d'animation que je cherchais et est sorti de l'année. Et je tombe sur Hopper et le hamster des ténèbres. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un film d'animation, d'aventure, avec un lapin-poule en personnage principal. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Alors, l'affiche est grandiose. Je veux voir ce film juste parce qu'on a un lapin poule qui fait une chasse au trésor et cherche un hamster des ténèbres. Bah écoute, tu me l'as vendu. Je pense que j'irai le voir. J'avais vu une bande-annonce en allant au cinéma voir, je ne sais plus quoi. Je pense que c'était sûrement pour aller voir Matrix. Et ça a pas l'air mal, hein. Enfin, non, ça... je trouve que ça a l'air plutôt honnête. L'animation est propre, c'est plutôt joli. À voir ce que ça donnera finalement. Mais bah écoute, moi un film d'aventure, je suis toujours preneur, donc on verra. Ensuite. Ensuite, 23 février, Zaï Zaï Zaï Zaï, avec Jean-Paul Rouve. Adaptation de la BD de je ne sais plus qui, j'oublie tout le temps son nom. Mais tu vois ce que c'est? Pas du tout, j'avoue. Pas du tout. Alors en gros, c'est le. Tant que je cherche l'auteur de la BD. Fabrice Caro. Ouais, c'est ça. C'est le pitch, c'est Jean-Paul Rouve qui n'a pas sa carte de fidélité, qui devient l'ennemi public numéro 1. Et c'est une comédie. Juste pour pareil, encore une fois, le pitch m'a convaincu. Bah écoute, pourquoi pas, genre, c'est... après surtout Jean-Paul Rouve qui est quand même, enfin moi c'est un acteur que j'aime bien, donc à part les tuches, ouais. Non, même si je suis pas fan des tuches, en vrai, genre, je pense donne à fond. Il se donne à fond pour Jeff Tuche. Ouais, ça, faisons qu'on peut pas lui reprocher de pas être intègre, pas être honnête dans ce qu'il fait. Donc moi perso, je suis vraiment client, donc c'est un acteur que j'aime voir jouer. Ensuite. Il y a Maigret la même semaine avec Depardieu. J'ai vu une affiche, j'avoue que je sais rien d'autre pour le coup. Donc, Bah, c'est le commissaire Maigret, donc, connu quand même, qui est une adaptation de film. Et j'ai vu la bande-annonce et je suis curieux de voir ce que ça donne en fait. C'est un peu le retour de Depardieu toujours, donc à voir ce que ça donne. Par contre, il y a un gros truc qui me fait peur, c'est que j'ai vu la bande-annonce, je ne comprends pas toujours quand il parle, donc ça va être compliqué. Des fois, il parle, je fais qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de voir la. Alors ouais, c'est fait par celui qui a fait les Bronzés 3. Ah. Ah ouais, c'est. Enfin, c'est Patrice Lecomte, donc bon, on verra. C'est bon, on verra bien ce que ça. Moi, je suis curieux en fait. Bon, après, je suis mauvaise langue. Il a aussi quand même fait les Bronzés 1 et 2. Tu vois, c'est que non plus pas non plus. Ah, c'est juste assez la bande autour du Splendide, mais. On verra ce que ça donne. Je suis curieux en fait, parce que moi, Maigret, je suis pas non plus de. Si on n'a pas 70 ans, Maigret, c'est compliqué. Donc, à voir ce que ça donne, quoi. Et sinon, mais ça, on s'en fiche un peu, t'as Black Light de Liam Neeson. Et je te dis juste pour le pitch, t'as déjà entendu parler? Pas du tout. En fait, je surveille pas les. Je ne partage pas ton amour pour Liam Neeson. Non, c'est pas ça. Je veux juste le dire parce que ce pitch est incroyable, encore une fois. Enfin, incroyable. Quand on connaît Liam Neeson, donc il joue un gars qui travaille au FBI. Je te dis le pitch halluciné. Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes de bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler, mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, il retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et n'aura aucune pitié. Voilà, c'est Taken 12 en fait. Donc, C'est Taken 15. Oh, mais c'est prévu en sortie ciné ce truc? Oui! Bien sûr. Genre j'ai vu le truc, j'ai fait oh mais Liam Neeson, j'ai vu le pitch, j'ai fait non mais c'est pas possible, faut arrêter au bout d'un moment quoi, c'est toujours la même chose. Mais Liam Neeson c'est devenu le mercenaire d'une espèce de pseudo série B. Attends, je suis en train de regarder le réalisateur, il a fait Ozark. Putain il a pas fait. Ah il est prévu qu'il fasse The Accountant, la suite d'un film avec Ben Affleck qui était pas mal. Mais la vache. Ah bah attends, c'est pas étonnant parce que le bonhomme il avait fait Honest Thief, c'était un film qui s'était sorti en 2020 avec Liam Neeson. Donc, mais ouais, il a tout fait le réel. Il a fait du Gerard Butler, il a fait du Samuel Lee Jackson. Non, ça a l'air d'être un bon gros tâcheron faiseur des familles. Hein, donc ouais non, bon bah écoute, je sais pas si j'irai voir en priorité, mais juste pour le pitch de Taken 15, bah, peut-être que j'irai acheter un œil. C'était juste pour parce que ça me faisait marrer que ça soit vraiment le même pitch que tous les films de Liam Neeson de ces 10 dernières années. Ouais, c'est ça en fait. Genre, Liam Neeson, il a fait qu'un seul type de film et c'est celui-là. Ensuite bon, pour terminer février, il y a Big Bug sur Netflix. Le Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Le 11 février. Ça, j'ai très, très, très, très hâte. J'admets que Jean-Pierre Jeunet, je suis vraiment assez client. Après, pour le coup, j'ai pas non plus vu. J'ai pas vu de bande-annonce ni rien, je veux pas en voir, mais j'ai bien bien bien hâte de voir ce que ça peut donner comme ce que Jean-Pierre Jeunet peut donner en tant que tel. J'avoue que j'en ai vu aucun en fait de Jean-Pierre Jeunet. Bah, Amélie Poulain. Amélie Poulain. Je l'ai pas vu. T'as pas vu Amélie Poulain? Oh non, j'en ai vu aucun de Jean-Pierre Jeunet, donc. Je pense que mon préféré, c'est quand même La Cité des Enfants Perdus. Pourquoi? J'attends incroyable. On fera un épisode un jour, on fera un épisode sur lui, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, du coup, on passe à Mars. Ouais, alors là, avec un truc que tout le monde attend, le Batman. Le 2 mars. Je pense qu'on fera un épisode sur Matt Reeves dans cette période où qu'on en parlera plus en détail. Moi, personnellement, c'est un film que j'attends. Bah, je dois admettre énormément parce que Batman, parce que Pattinson, parce que le casting de dingue, parce que le truc va durer 3 heures. Donc, enfin, on verra ce que ça peut donner. Après, j'ai quand même peur qu'on soit un peu déçu. Mais j'ai envie d'avoir confiance dans le film. Ouais, bah, pareil. Enfin, Batman, j'aime bien l'univers, les films, j'ai jamais été des grands fans. J'aime bien, mais. Même les Snyder ? C'est trop sombre pour moi. Non, mais pour le coup, je préfère les Nolan que les Snyder. Mais non, après, j'aime bien Batman, j'aime bien l'univers. En comics, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais donc, ouais, je suis curieux, en fait, comme d'hab. Comme tous les films de super-héros avec moi, en fait, je suis curieux. Bah écoute, je pense que celui-là peut surprendre son monde. Je pense que celui-là peut proposer autre chose, parce que Matrix, c'est pas un mauvais. Hein. C'est lui qui a fait évidemment. Non, c'est peine. C'est pas un mauvais Matrix, donc je suis plutôt curieux. Et après, donc bref, on en parlera plus en détail lors de la sortie. Moi, c'est une grosse attente. On passe ensuite. Qu'est-ce qu'il y a après? Le nouveau film de Kenneth Branagh, donc, comme il en fait un en février, un en mars, Belfast, qui a fait un peu parler de lui. Je l'attends énormément. Il a l'air vraiment d'être un très beau film. Et autant, je disais que Kenneth Branagh, j'étais pas fan de tout ce qu'il faisait. Autant là, ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui parle d'enfance et de choses qui, moi, me touchent. Donc, j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il peut proposer. Et alors, moi, pour le coup, pas du tout. C'est pas le genre de film qui m'intéresse. Ouais, j'allais te dire, toi, c'est le truc, tu risques de te faire un peu chier. Voilà. Après, le 9 mars, il y a Murder Party, le fameux film français qui ressemble comme des vidéos à couteau tiré, avec Alice Paul. Je ne peux pas supporter cette actrice. C'est quel film pas. C'est... Murder Party, on en avait parlé par un message de... Oh mon dieu. Au secours. Au secours. Alice Paul, elle avait pas fait un Danny Boone ? Si, Red Ding. Ah, et celui-là, c'était peut-être parmi les pires Danny Boone. Malheureusement vu. Non, Ouais, c'est vrai que c'est parmi les pires. Enfin, en fait, il y en a un paquet de pires. Donc, Ah, c'est que Murder Party, c'est l'affiche plagiée de À couteau tiré, là. Oui, c'est ça. Oh mon dieu, ils se sont même pas cachés. Bon, je te propose qu'on passe pas trop de temps dessus. Non, je cite. Bon, on passe au 16 mars. Je l'attends pas. Murder Party, je l'attends pas. J'ai pas envie de le voir. Et honnêtement, je pense que les gars qui ont dû créer l'affiche ont dû se dire ouais, c'est trop drôle, on rend hommage. Non, non, c'est pas drôle, c'est limite gênant, les mecs. Hein, donc, Daniel Craig, Alice Paul, quoi. Ou non, Anna de Armas, Alice Paul, il y a quand même un petit écart. C'est pas la même. Ah non. Du coup, le 16 mars au ciné, Notre-Dame brûle, le prochain Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame de Paris. Alors, comme son nom l'indique. Personnellement, je suis très client de Jean-Jacques Hano. J'aime vraiment beaucoup ses films. Je trouve que c'est un metteur en scène qui arrive à avoir une vraie patte et qui arrive à faire des films qui en tout cas m'ont beaucoup marqué. Je pense à L'Ours, qui est vraiment un truc qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Mais aussi et surtout Au nom de la rose, qui est un film que j'adore. Mais. Notre-Dame brûle, je t'avouerais, je trouve que le sujet est trop récent pour qu'on puisse faire un film dessus, tu vois. C'est-à-dire, il y a déjà des films qui sortent sur la période du Covid. Je pense une dernière prod Michael Bay, la Songbird. Je ne sais pas si tu avais pu voir ce truc. C'est sur Prime, non, je l'ai pas vu. J'ai vu les retours. En fait, que le film soit bon. Songbird, pour le coup, je l'ai vu. Alors, le film est très mauvais. Mais Notre-Dame brûle, que le film soit bon ou pas. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que c'est trop tôt et qu'on n'a pas encore assez de recul pour faire un film sur cet événement-là, en fait. Moi, ça me met vraiment assez mal à l'aise qu'on puisse faire un film sur un événement pareil. Donc voilà, c'est juste ça. Ça, plus le risque de... Enfin, sans partir sur la politique ou quoi, je pense que ce sera pas très intéressant et on n'est pas là pour ça, mais... Je pense que le film peut être trop. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a trop de risques autour de ce film pour qu'il soit vraiment, vraiment bon. Donc, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, je t'avoue que l'incendie de Notre-Dame, ça ne m'est pas marqué. Enfin, genre, c'était, j'avais fait, ah ouais, mais c'était pas un truc qui m'avait. J'étais jamais, je l'avais jamais vu en vrai. Ça m'a. Je t'avoue que moi, les églises, c'est pas non plus ma passion. Donc, en fait, j'en pense un peu rien, de son, je ne comptais pas aller voir le film. Jean-Jacques Hano, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, en fait, j'en pense pas grand-chose. Bah, au moins la réponse est claire. Ensuite, on a quoi d'autre en Voilà. mars? Le 23, et celui-là, je l'attends beaucoup. Ambulance, de Michael Bay. Jake Gyllenhaal! Et Michael Bay, les deux ensemble. Non, mais je suis Film vraiment fou. curieux de voir ce que ça donne. Bah écoute, je suis plutôt curieux aussi. Là, on a. Alors j'avoue que j'ai pas encore vu de bande. J'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas vu de trailer, donc je pense qu'on va vite passer, mais j'attends quand même pas mal parce que bon. Michael Bay, je fais partie des rares mecs à penser que c'est vraiment un auteur. Je pense qu'il a vraiment des choses à dire. Pas forcément des choses ultra intéressantes, enfin ultra intelligentes, pardon, ou ultra profondes, mais je pense qu'il a des choses à dire à travers ses films. Donc je suis plutôt curieux de ce qu'il va faire. Et ce sera toujours mieux qu'un énième Transformers. Et l'année prochaine, non? Le 6. Le Transformers, j'avoue, je sais pas. C'est pas une saga que je suis ardemment. Il me semble. Hein. Bah, du coup, on passe. Attention, parce que là, on a du lourd le 30 mars. Et du lourd, pas forcément dans le bon sens. On a Morbus. Et on a Honnêtement, Sonic 2. alors Morbius et quoi? Sonic 2. La même semaine. Alors Morbius, j'aime bien le réalisateur Daniel Espinosa qui avait fait Life, tu sais, avec Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson et Jake Gyllenhaal. C'était sympa, c'était une bonne série B. Morbius, les images ont l'air classe. Après, bon ouais, ça, c'est un Et projet un peu j'arrête de tout. maudit. Ouais, bon ouais, voilà, j'arrête les taux quoi. Parmesan, quoi. Eh ben, ça parmesan, c'est que je suis encore traumatisé de sa performance dans House of Gucci, donc à voir ce que le film va proposer. Et Là, Sonic 2, vas-y. sur Morbus, oui, c'est en fait, je l'attends parce que je suis curieux, mais voilà, c'est tout. Ouais, c'est limite de la curiosité malsaine, quoi. Bah, j'ai envie d'y croire, après, je me dis pourquoi pas. Ouais, bon voilà. Et en revanche, Sonic 2, là j'attends, parce que le 1 avait été une sacrée surprise. Je m'attendais vraiment à un truc assez pété. Tu te rappelles surtout, il y avait eu l'énorme backslash après le premier Oui. design de Sonic. Il avait dû se faire redesigner. Enfin, après, c'est vrai que le premier était quand même Alors que vraiment je... dégueulasse. Ouais, mais c'est pas non plus horrible. Enfin, qu'on veuille le refaire, ok, mais c'est quand même une sacrée ampleur. Alors qu'on Oui, l'aurait fait comme mais. ça, bon, on s'aurait pas été la mort. Et au final, bah, je trouvais que le 1 était quand même vraiment sympa, c'est plutôt rafraîchissant, c'était assez rapide, assez dynamique. Il y avait Jim Carrey qui. Bah, on avait parlé de Kick-Ass 2 il n'y a pas longtemps, mais là, pour le coup, dans Sonic, il s'amuse vraiment, ça se voit, il est vraiment marrant. Donc, non, le 2, moi, j'attends plutôt le 2. En plus, dans le 2, il y a Knuckles, qui est un personnage que j'aime beaucoup et qui a un potentiel comique, je pense, assez fort. Donc, le 2, ça va être cool. Aussi. Oui, Knuckles et Tails. Tails. Bon, Tails, c'est après. le perso que je prenais toujours à Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Alors, respect. Type vitesse, non, il est pas type agilité, Non, lui. agilité. Quand Ah, tu fais du yes. trampoline, tu prends Tails. Et après, moi, mon grand espoir, c'est de voir Shadow et Amy, mais je pense pas qu'on les verra, mais je garde espoir. Celui que Ensuite. j'attends, moi, celui que j'attends dans Sonic, juste pour voir comment il le ferait, c'est Vector, le crocodile. Ah ouais, le crocodile, ah ouais, Juste c'est pour vrai, voir c'est vrai. comment il le ferait dans le En film, plus, comment il il a un espèce ressemblerait. de casque, non? Il écoute de la musique. Il a une grosse chaîne en or. C'est Bah incroyable. écoute, je pense que ça peut être plutôt amusant, Ouais, mais un dernier mot sur Sonic après, c'est qu'ils reprennent Malik Bentala, et ça contre, c'est pas bon. Ça fallait pas, quoi. Ah bon, ça c'est pas terrible. Mais après, en mars, avant qu'on passe en avril, je veux dire, il y a le remake de Massacre à la tronçonneuse qui va enfin, le remake là. Une énième suite qui Ouais, sur sort sur Netflix. Netflix. Et il n'y a pas que ça en streaming, il y a Alerte Rouge, le prochain Pixar aussi, sur Disney+. Ah, Alerte Rouge, ça va être chouette. Ouais, mais c'est sur Disney+. C'est vrai que c'est dommage. Et le Massacre à Tronçonneuse, pour le coup, je m'en fous complètement. Il est produit par Fede Alvarez, qui avait fait le Evil Dead, que j'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé le remake de Evil Dead version 2013. Mais Massacre à la Tronçonneuse, enfin, sur toute la saga, il y a deux bons films, je trouve. Trois, si on compte le remake, éventuellement. Mais globalement, c'est toujours un truc. Enfin, je vois, toutes les tentatives de reboot qu'il y a eu, il y avait eu le 2013 qui était vraiment pourri, il y avait eu le Leatherface qui était à moitié raté, donc j'avoue que ce sera peut-être une bonne surprise, mais là, en tant que tel, je m'en fous complètement. J'avoue que j'ai vu que le premier. Donc, Qui est un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur. Hein, je l'ai vu au ciné pour l'anecdote. je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jaloux, tout va bien, je suis jaloux. Voilà. On passe en avril. Avril? Avril, avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Voilà, je pense qu'on peut juste le citer et s'arrêter là. Surtout que la même semaine, il y a Duc au but président. Donc, alors, on va passer un bon moment. Ce sera une semaine que je vais appeler une semaine bunker, c'est-à-dire que c'est une semaine où je vais m'enterrer. Non, il y a un autre film qui sort, et celui-là, par contre, qui m'intéresse, c'est Les Bad Guys. C'est le prochain film, je crois que c'est DreamWorks, qui m'intrigue. C'est, en gros, c'est, pas du tout, je suis en train de regarder l'affiche, c'est quoi ça? En fait, c'est des espèces d'animaux qui sont considérés comme méchants, tu vois, genre il y a un loup, un piranha, un serpent, quelque truc comme ça. Oh mon dieu! Ils font des braquages, et le loup, à un moment, il se prend, il dit, oh mais je voudrais être gentil, je sais pas quoi. C'est le prochain DreamWorks, je suis curieux en fait de voir ce que c'est. L'affiche, l'animation, l'animation est sympa. Hein. L'affiche l'anim... est incroyable. Ouais, ça dépend lesquels, il y en a qui sont classiques, mais d'autres, ouais. Mais l'animation a l'air très sympa. Elle est pas 2D, mais elle est 3D, mais tu sais qu'il se rapproche un peu plus du dessin. Ouais, bah écoute, je connaissais pas du tout, donc je suis plutôt content d'en entendre parler. Je pense que j'irai jeter un œil là-dessus. Enfin, et sûrement oui. Plus un œil là-dessus que sur les deux autres là, que j'ai oublié de suite. Et je crois que c'est DreamWorks, on va vérifier, hein, mais j'ai un doute. T'inquiète pas, je m'occupe de vérifier, je te laisse passer à la suite. Et surtout, je dis juste ça, le réalisateur a dit, j'avais vu ça une fois, du Tarantino pour les enfants. Voilà. Wait, what? Du coup, la semaine d'après, on a du gros film avec les Animaux Fantastiques 3. Je l'attends pas du tout, mais c'est du gros film. Harry Potter, ça a jamais été une saga que j'ai beaucoup aimé étant plus jeune. J'avoue que ça me parle un peu, pas forcément tant que ça. J'aime beaucoup certains films, j'en ai moins d'autres. Les Animaux Fantastiques 1, j'avais trouvé ça honnête, donc sympa. Le 2, il y avait Johnny Depp, mais à part ça, voilà. Le 3, j'en ai mais rien à faire, et c'est triste à quel point ils assument pas leur saga. Tu sais, t'as Dumbledore écrit en plus gros que les Animaux Fantastiques. Oui, ça me fait bien rire. Ouais. Ah non, mais c'est surtout qu'il y a eu toutes les histoires avec Johnny Depp qui a été viré, remplacé. Enfin bref, moi j'avoue que je l'attends pas, je m'en moque un peu. Donc ouais, on verra. Ça se trouve, ce sera super, mais là, à l'instant T, c'est pas une attente. Ouais, mais pour le coup, Harry Potter, je les ai vus assez tardivement. J'avais lu les livres avant, je trouve mieux. Et donc j'ai pas eu toute cette ambiance en fait, tu vois, j'ai jamais été là-dedans, donc en fait les Animaux Fantastiques, quand tout le monde a fait « Oh, j'étais là, pff, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc j'ai jamais été dedans, donc je pourrais peut-être le voir pour la curiosité, parce qu'il y a que ça qui sort cette semaine. Mais... On fera un épisode, t'inquiète, on fera un épisode Harry Potter. Donc j'ai acheté le coffret. Eh ben oui. Ensuite, qu'est-ce qui sort? Le 20 avril, il y a Les Secpas, non pardon, ça on s'en fout, Le Secret de la Cité Perdue. Attends, avec Shani Tatou, Les Secpas, le nouveau film produit par Cyril Hanouna. Produit par Cyril Hanouna. Oh putain. Mais oh, vache. On peut le laisser de côté, je pense. Ouais, celui-là, on n'en parle pas. Je crois même que. Attends, on me dit à l'oreillette. Ah, ça n'existe pas, en fait. Ah, c'est bon. Ah oui, non, c'est bon, tout va bien alors. Donc, du coup, tu disais Le Secret de la Cité Perdue? Oui, avec Channing Tatum et Sandra Bullock, je sais pas si tu as vu passer à mon annonce, c'est une comédie d'action. Bah, tu sais que j'évite de trop regarder les bandes annonces. Ouais, mais celle-là était passée. Et, bah, après, Sandra Bullock, elle fait des bons films une fois sur trois. Hein. C'est... Oui, c'est pour ça, donc je pense que je peux te spoiler la bande annonce, on va dire. Vas-y. Bon, c'est Sandra Bullock qui écrit Alice le Pitch, c'est Sandra Bullock qui est écrivaine, et un jour, je sais plus trop pourquoi, c'est Daniel Radcliffe qui joue un peu le méchant, qui lui dit qu'elle se retrouve dans la jungle avec le héros de son livre, Channing Tatum. Qui joue, enfin, bref. Et le seul truc qui me fait rire, c'est qu'à la fin, il y a Brad Pitt qui arrive dans la bonne annonce. Mais en mode beau gosse et tout, genre, il a des livres, je sais pas quoi. Il a un rôle avec des cheveux longs. Genre, il joue vraiment une parodie de Brad Pitt, en fait. Juste pour ça, je veux voir le film. Juste pour Brad Pitt. Je suis sur la fiche technique. C'est réalisé par deux frangins, visiblement. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre avant? Ok, j'ai pas vu leur autre film. Le cast. Ah ouais, bah le cas, tu dis, il y a Brad Pitt, Daniel Radcliffe, j'aime plutôt bien ce qu'il fait depuis Harry Potter. Ouais, genre, moi aussi. Gun Akimbo, c'était pas terrible, mais on va dire que ça se laissait regarder quand même. Après, il avait fait cool. La Dame en Noir ou Swiss Army Man, je trouve qu'il a des choix de carrière assez originaux, donc écoute, pourquoi pas. Hein. Mais même dans ses rôles, tu vois, Ainsi Sable 2, il était quand même beaucoup moins bon que le 1, mais je trouve que le rôle de Daniel Radcliffe, c'était marrant de le voir là-dedans, et là, il va avoir un peu le même rôle. Et donc, c'est un des meilleurs points du film, hein, donc... Et là, il a l'air d'avoir un peu le même rôle, donc bon, je suis curieux. Écoute, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? La même semaine, il y a Ogre. Ah, ça, c'est un truc que j'attends beaucoup. Film de genre français. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, j'admets, parce que en fait, je me suis pas beaucoup renseigné. C'est quelque chose que je veux vraiment pouvoir découvrir pleinement. Mais ça me rend très, très, très curieux. Ouais, mais ça te rend sûrement plus curieux que moi, en tout cas. Moi, j'ai peur que ce soit long, comme les films français en général. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais après, il y a des... On va pas lancer un débat sur le genre en France, mais il y a quand même des super films de genre qui peuvent sortir. Et là, ça a l'air d'être assez ambitieux, donc à voir ce que ça va donner. Il me semble que c'est l'Atelier 69 qui fait les effets spéciaux en plus, donc c'est plutôt cool. Mais vraiment, je suis très curieux, je me suis pas beaucoup renseigné, c'est pas une énorme attente non plus, mais je pense que j'irai le voir assez rapidement. Et je trouve l'affiche super belle, par contre. Ah, l'affiche est très très belle dans la forêt, là. Ouais, avec ça fait des formes de dents, les arbres. Ouais, elle est vraiment, vraiment superbe. Et donc, quand on voit les affiches de Uncharted et qu'on voit ça, voilà quoi. Dernier film, le même jour, puisqu'on a une sacrée semaine, Un talent en or massif. Avec Nicolas Cage. Nicolas Cage ! Attends, je peux dire le titre anglais que je trouve incroyable ? Vas-y. The Unbearable Weight of Massive Talent. Donc en gros, c'est littéralement le poids insoutenable d'un talent massif. le pitch a l'air hallucinant de ce truc. C'est genre Nicolas Cage qui se joue lui-même. Non, vraiment, ce truc, ça a l'air génial. Il y a eu le jeu avec Neil Patrick Harris et Pedro Pascal en plus. Genre, il y a incroyable quoi. Ah, mais le casting complètement improbable. Et Nicolas Cage, je pense que j'en ai déjà parlé rapidement sur quand on était dans l'épisode de Vogue, mais. J'adore cet acteur, vraiment. Même ses films les plus pourris, je peux les regarder avec un œil attendri. Et là, ce film a l'air mais incroyable. Et donc, il reste pour finir avril, le 27, il y a La Ruse qui me rend curieux. La Ruse, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de. Avec, pardon, Colin Firth. Et c'est sur la guerre mondiale. Je viens de voir, ouais. Et je suis curieux de voir ce que ça donne en fait, parce que j'ai un père fan de guerre mondiale. Et donc en fait, le cast a l'air sympa et voilà. C'était censé sortir en janvier, c'était décalé. C'est réalisé par quelqu'un en revanche que j'avoue. Alors, c'est réalisé par John Madden. Alors, tu me dirais, qu'a donc fait John Madden? Il a fait le très mauvais Shakespeare in Love, hein, qui est en 98. Il a fait l'immonde Capitaine Corelli en 2001. Ah, il a pas. Ouais, il a fait Miss Sloan en 2016. Miss Sloan, c'était sympa. Mais on verra bien. Après, il y a 13 vies, le prochain film de Ron Howard. Alors, ça, j'ai pas du tout suivi ce que c'est. 13 vies, c'est pareil, c'est en 2018. Il y a eu. En Thaïlande, il y avait des. Je sais plus combien de personnes, c'est pas 13, je suppose. Qui s'était enfermé dans une espèce de grotte ou je sais pas quoi, et en fait c'est l'opération de sauvetage le film. Et c'est avec Viggo Mortensen et Colin Farrell. C'est plutôt cool, d'autant plus que Ron Howard, je suis pas fan de tous ses films, mais je trouve qu'il a fait des très très très bons trucs. Et ouais, et puis ça, genre Rush. C'est lui, hein, c'est ça. Rush c'est lui, et Rush c'est super Rush. Et donc ouais, ça a l'air sympa. Le casting quoi, Viggo Mortensen et Colin Farrell. Rien que ça, ça donne envie. Ouais, déjà ça pose, on va dire, une certaine base sur le film. Maintenant, on verra bien ce que ça peut être, parce que Ron Howard, il est vraiment capable aussi de faire des trucs assez pourris. Je pense à Backdraft, qui est un truc avec des pompiers qui était vraiment compliqué. Et pour finir, il y a un film qui s'appelle 65. Je ne sais pas si tu as vu, avec Adam Driver. Alors, vas-y. Produit par Sam Raimi. Et on n'a aucun pitch, rien. C'est juste un astronaute se crache sur une mystérieuse planète et la découvre tout seul. Voilà. Avec pour Adam Driver, tu dis ? Ouais, produit par Sam Raimi. Et les réalisateurs, ils ont fait d'autres. Logan, il a fait quoi d'autre ? Pas grand-chose. En tout cas, rien que je connais. Ils sont deux. C'est Scott Beck et Brian Woods. Je connais pas du tout. Écoute, on ira découvrir ça. Ouais. Mais il y a de grandes chances que ce soit décalé vu qu'on ne sait rien encore sur le projet et tout. Mais bon, pour le moment, c'est ça. Sam Raimi, globalement, ses prods, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire, je pense au Crawl de Alexandre Aja, qui, il me semble, était une prod Sam Raimi, que j'avais trouvé vachement bien. Et après, il a aussi fait des trucs pourris, genre La Chapelle du Diable, ça, c'était vraiment pas bien. Mais, c'était l'année dernière, Comment ? Ouais, c'était l'année dernière, ça. Oui, l'année dernière, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, à propos de Sam Raimi, on passe en mai et Doctor Strange 2. Je te mets un truc. Alors tiens, on avait oublié, mais en janvier, il y a Moon Knight, la série. Ah oui, les séries, oui. Mais je te mets que le Doctor Strange, en fait, je me suis désintéressé du MCU depuis, bah, depuis Endgame, en fait. Et bah, si le Doctor Strange n'est pas réussi, j'admets que je perdrais complètement foi en eux. Ben, ça a l'air bien parti pour, hein, parce que vu la tonne de caméos qu'on va avoir, bah, j'ai peur. Hein. Après, Sam Raimi, c'est Sam Raimi. C'est-à-dire, il sait gérer des trucs complètement improbables, en témoigne Evil Dead 3 ou même son film sur Oz, que j'avais trouvé plutôt cool. Mais en fait, le film a eu plein de reshoots et autres, donc on verra bien ce que ça peut donner. Mais j'ai quand même envie de garder espoir. Je suis très fan de Sam Raimi et on verra ce qu'il peut faire avec son film. Et pour le MCU, j'avoue que Doctor Strange n'est pas terrible, mais quand même un film que j'attends. Parce que j'attends rarement le MCU, c'est juste Les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn. Parce que lui, en général, j'ai beaucoup aimé les deux premiers. Ça, ce sera en 2023. Oh, oui, mais c'était juste pour dire, tu dis, si celui-là est nul, tu perds foin en Marvel, mais j'attends qu'il restera quand même Les Gardiens de la Galaxie 3. Et oui, c'est vrai, mais celui dont ressent le plus la patte, en fait. Donc, à voir. Là, j'irai le voir pour Gunn plus que pour le MCU. Ensuite ouais. Pas grand-chose. Le 11 mai, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a un projet Blumhouse. Voilà. On ne sait jamais. Hein. Des fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Du coup, on passe au 18 quoi, mai. Genre, Nightmare Island. Et Whiplash, c'était Blumhouse. Hein. Whiplash, c'était eux, mais ouais, tu l'as dit, Nightmare Island. Hein, Nightmare Island, surtout. Jeff Wadlow sort un nouveau film en 2022. Mon Dieu. Non, du coup, le 18 mai, il y a The Northman de Robert Eggers, que pour le coup, moi, j'attends pas du tout. Robert Eggers, j'avais adoré The Witch, j'avais beaucoup aimé The Witch. The Lighthouse, j'avais trouvé ça assez convenu, mais j'avais trouvé ça très intéressant, mais moins bon, moins abouti que The Witch, j'avais trouvé. Maintenant, The Northman, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner, ce qu'il va en faire de son sujet. Mais ouais, je peux comprendre que t'attends pas du tout. C'est pas là que tu vas trouver énormément de rythme. Mais c'est pas une histoire de rythme ou quoi. C'est surtout une histoire d'univers. Parce que pour le coup, l'univers viking, c'est un truc que ça m'a jamais intéressé. Ah, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. Alors que moi, pas du tout. Donc en fait, même le pitch, ça m'intéresse pas, tu vois. Bah après, il y a un joli casting. C'est-à-dire qu'on a quand même... on a Anya Taylor-Joy à nouveau. On a Ethan Hawke. On en reparlera plus tard dans mes attentes, j'en ai noté un notamment. On a Alexander Skarsgård, on a Nicole Kidman, il me semble qu'on a Bjork aussi. Oui, voilà, on a Bjork, on a Willem Dafoe. Donc, non, il y a quand même un plutôt joli casting. Attention, révélation, je n'aime pas trop Anya Taylor-Joy. Voilà, hop, je passe. Pas révélation, je peux comprendre. Je ne suis pas spécialement fan d'elle, je trouve qu'elle joue bien, mais ce n'est pas non plus le crush absolu. Je ne comprends pas comment tout le monde s'extasie sur elle. Bah tu vois, moi dans le film je préfère beaucoup plus Ethan Hawke. Oui bah oui, mais moi aussi. Mais ça ne vaudra jamais Dwayne Johnson et Crypto Super Chien la même semaine. Avec quand même, juste pour ça, Dwayne Johnson qui fait la voix du chien et John Krasinski qui fait la voix de Superman. Attends non, Dwayne Johnson fait la voix de Crypto. Oui. Et John Krasinski fait la voix de Superman. Donc en fait Dwayne Johnson est le chien de John Krasinski. Bah, étonnamment, c'est un projet que j'attends vraiment beaucoup parce que je suis très fan du personnage de Crypto. Le seul truc moi, qui m'inquiète, c'est que c'est Dwayne Johnson donc, qui fait Crypto et il a un acolyte chien là et c'est Kevin Hart. Donc en fait, c'est encore un film Dwayne Johnson, Kevin Hart, quoi, même en animation. Et leur humour, surtout Kevin Hart, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est un peu le seul truc qui m'inquiète. Attends, Kevin Hart, que je sois bien sûr, c'est... C'est le dans Agent Presque Secret, dans Jumanji, c'est tout le film de Dwayne Johnson et il y a un noir dedans, c'est lui. Ah, merde. Bon. Ouais. Après Krypton La semaine d'après, Top Gun, Maverick. En fait, c'est Tom Cruise, quoi, c'est tout. Ouais, perso, ça pue la suite tardive. Donc après, peut-être que ce sera super, on parle sans avoir vu le film. Hein. Mais perso, ouais, mais Tom Cruise est assez exigeant, donc pourquoi pas. Hein. Bah, Top Gun, j'aime le film. Je vois qu'il a plein de défauts. Hein. Je même trouve plus de défauts que de qualités. Mais je sais pas. Il a un charme. J'aime bien et surtout la BO. Mais donc je suis curieux de voir ce qu'il peut en faire parce que j'ai peur qu'on ait un film de gros boomer qui sache pas forcément s'adapter à son époque, en fait. C'est ça qui me rend curieux. Ouais, mais tu verras Tom Cruise conduire des avions pour de vrai. Donc, au pire, tu auras vu ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour de vrai ? Voilà. Et pour côté série, alors j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est en mai, il y a la série d'animation The Boys, que j'attends beaucoup. Ah, The Boys, c'est super, et je suis très client de, ce qu'ils peuvent faire, de cette série d'animation. Et une série d'animation trash et tout, j'ai très hâte. Ah, c'est donc, ça. On passe en juin, ou ben juste, il y aura la saison 3 de The Boys, du coup, la vraie. Bah, qu'on attend énormément. Ah, je veux dire, The Boys, c'est quand même le meilleur rôle de Carl Urban. Il y a Anthony Homelander qui est des pires sous-races de l'écran, donc du petit écran. Et surtout, c'est une série qui y va à fond, quoi. C'est ça qui est sympa. C'est pas comme truc genre La Casa de Papel ou Stranger Things où il faut s'adapter au public. Là, au moins, ça se donne. Non, The Boys, c'est dégueu, c'est immoral. Donc, vraiment, franchement, c'est super, The Boys. Moi, j'aime beaucoup. C'est comme moi, quoi. Immoral. Donc, j'aime bien. Ensuite, Y a Jurassic World 3 le 8 juin. Dominion pour le coup, ouais, le monde d'après, en français. Pour le coup, je l'attends. Parce que des dinosaures. Et quand il y a des dinosaures, je ne suis pas objectif. Ouais, moi, je suis... Ouais, j'irai le voir parce que j'ai vu les deux premiers et que j'ai envie de savoir la conclusion de l'histoire. Mais en fait, le 1... je l'aime bien sans plus. Le 2, j'aime beaucoup le réel du 2, Bayona. Mais il a plein d'idées visuelles, mais le scénario, c'est pas ça. Donc, c'est plus curiosité qu'autre chose pour le coup. Et des gros dinosaures. Rappelons qu'on parlait de Transformers, c'est le gros point fort de la saga, des dinosaures robots. Donc écoute, pourquoi pas. C'est la seule raison pour laquelle le 4 est bon. Et bon, entre guillemets. Ouais, le 15 juin, il y a le prochain film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, avec Chabat. Pas vu et sans tape. Dupieux, j'avais détesté Mandibule. Ouais, j'ai pas aimé non plus. C'était le premier film de Quentin Dupieux que je voyais et ça me donne pas envie de voir les autres. Bah, j'aime beaucoup Rubber, Réalité ou Au Poste. Je suis vraiment. Mais après, c'est vraiment une fois sur deux. Donc. Ouais, Mandibule, j'avais vraiment pas aimé, vraiment Mandibule, surtout l'espèce de facilité de rire sur les handicapés, que j'étais un peu bizarre. Donc ouais, là pour le coup, m'en fous un peu. Donc on passe au 22 juin, et là c'est pour toi. Je sais que tu l'attends. Black Phone, avec Ethan Hawke. Alors Black Phone, c'est tu connais le réalisateur ? Oui, Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange, et surtout Sinister, qui moi avait été un vrai trauma. C'est un film que j'adore, c'est un film d'horreur qui fait vraiment très très peur, qui en tout cas moi m'a fait vraiment très très très très peur. Et je pense qu'on fera un épisode sur lui, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le réalisateur qui a quand même fait Hellraiser 5, hein, c'est quelque chose à noter. Et Black Phone, je suis très curieux, c'est-à-dire les premiers retours de festival sont plutôt positifs, et disent que c'est quelque chose de très surprenant et de très très glauque. Donc vraiment, je suis curieux de Black Phone. C'est une grosse attente pour moi, avec la présence d'Ethan Hawke qui joue le méchant. Là, tu l'as vu avec son masque. Ouais. Le film est super original en fait. C'est pour un film d'horreur. Bah vas-y, je veux bien que tu. Pour le coup, je le connais pas, donc je veux bien que tu me dises pile, sans trop spoiler si possible. Pour faire simple, c'est un enfant qui se fait kidnapper du coup par je suppose Ethan Hawke et se retrouve enfermé dans un sous-sol et il entend des voix. Des anciens kidnappés qui vont l'aider à s'en sortir, qui sont morts, je pense, mais. On verra ce que le film en fait, mais déjà Ethan Hawke avec le masque, il a l'air assez effrayant, donc Ethan Hawke en méchant, moi je suis plutôt curieux. Oui, c'est pas qu'il entend les voix, c'est qu'un téléphone qui sonne, d'où le nom Black Phone, et il entend quand il décroche, c'est les voix des anciens kidnappés. Je pense que j'ai hâte de voir ce que le pitch peut en faire. Et la même semaine. Puzzle éclair, que j'attends énormément. Énormément, je sais pas. Moi, ça me rend vraiment intrigué de voir ce qu'ils peuvent faire, d'autant plus avec l'espèce de style graphique un peu particulier qu'ils lui ont donné. Mais ça ressemble beaucoup à Wally. C'est pour le mieux. Et alors, je suis pas un grand fan de Wally. Mais à voir, et surtout, Toy Story, j'aime bien, mais sans... Ça n'a jamais été un grand... j'aime bien, quoi, mais pas non plus un film que je porte dans mon cœur. Et du coup, Buzz Éclair, c'est un film d'espace, science-fiction, un genre que j'aime beaucoup. Donc, je suis vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis, Chris Evans. Voilà. C'est ça mon argument. Ça joue sur ton affection pour le film. Donc on verra comment ce sera. Après ? Et le prochain film de Baz Luhrmann, Elvis. Le pic sur Elvis, du coup. Baz Luhrmann, j'aime vraiment beaucoup, moi. Je suis très fan de Moulin Rouge ou de Gatsby, évidemment. Et bah, j'attends de voir ce qu'il peut proposer autour de Elvis. Donc, on sait qui, on a le casting ou pas ? Non, je crois qu'on n'a pas grand-chose. Ah si, si, je l'ai. Alors, c'est Austin Butler qui joue Elvis. Alors, rien que la tête, il a l'air d'avoir le look du rôle. Il n'a pas l'air d'avoir de rapport avec Gérard. Quel dommage. Non, c'est vrai que ça aurait été drôle. Attends, en vrai, je cherche. C'est quoi, je suis en train de chercher. Est-ce qu'il a un rapport avec Gérard Butler éventuellement ? J'ai pas trouvé en tout cas. Je vois aucun rapport potentiel. Alors peut-être qu'il en a un, mais en tout cas, je le trouve pas. C'est dommage, on aurait pu avoir le frère de Léonidas. C'est quel dommage qui joue Elvis Presley. Léonidas qui joue Elvis Presley. Let's go. Donc ensuite, on passe en juillet. Non, on passe pas en juillet. Il y a le prochain film de Jérôme Commander. Donc en fait, non, on passe en juillet finalement. On passe en juillet directement, ouais. En juillet. juillet, alors, il faut juste un film qui n'a pas été décalé. Et il y a Les Mignons 2. Ça fait 1000 ans qu'on l'attend. Ça fait à peu près 2 ans que McDo file des mignons dans ses Happy Meal. Donc on va enfin pouvoir changer de jouet. ça fait 1000 ans que ce. Non, mais c'est vrai. Tu vas au McDo, une fois sur deux, c'est les Mignons 2 qui te filent en cadeau. C'est insupportable. Insupportable. Et du coup, il sort enfin, normalement, le 6 juillet. Assez curieux. On verra ça. Moi, les Mignons, ça n'a jamais été le truc qui m'a le plus attiré. Mais je suis un peu très curieux parce que tu vois, je vois toujours ça avec beaucoup de plaisir. Donc, on verra bien ce que ça pourra donner. Moi, j'avais les Mauvais Chez Méchants, je suis ultra fan. Un peu moins du 3, mais les deux premiers, l'animation, c'est dans mes films préférés. Et j'aime beaucoup les Mignons de là-dedans. Quand ils ont fait le film sur les mignons, je les trouvais quand même moins bons parce que c'est comme les pingouins de Madagascar, quoi. C'est bien un peu, mais pas trop. C'est exactement ça. Et surtout, je suis pas forcément dans toute la hype des mignons. Tu sais, genre, moi, de toute façon, je préfère les lapins crétins. Donc, non, pour le coup, je préfère les mignons. Mais bref. Il y a le prochain film d'Olivier Barou, Menteur, et non pas Les Tuches 6, avec son pote. Je sais que tu l'adores, Tarek Boudali. Oh putain. Mais sinon, il y a Thor 4 de Taika Waititi toujours. Ouais, bah moi je suis plutôt sur Thor 4 du coup. Tu es plutôt. Mais oui, tu n'es pas Tarek Boudali, tu es Chris Hemsworth, on le sait. Après, c'est... Oh non. Et je suis désolé de te le dire, mais il n'y aura pas Melissa McCarthy de 2022, je crois, ou je ne sais pas encore. Mais... Attends, peut-être... je sais pas, je peux te dire que dans le prochain Olivier Barou, il y a Artus. Il n'y a pas Melissa McCarthy. Donc non, c'est pas dommage. Bon. Non, Thor 4, pour le coup, ça va être. J'attends vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé le 3. Donc. Je suis mitigé, mais. Mais on va voir. Et surtout, le 4, il y a Christian Bale, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont proposer avec le personnage de Jane, voir ce qu'ils vont en faire. Bon, on se doute tous qu'elle deviendra la prochaine déesse du tonnerre. Mais je suis assez curieux quand même de voir ce que ça peut donner, parce que Taika Waititi, en général, moi, je suis vraiment très client de son cinéma. Donc, il n'y a pas que lui, il y a Russell Crowe aussi, en Zeus. Ah, Russell Crowe en Zeus, ça va être... Je pense que ça peut être très, très drôle. Et il y a Chris Pratt aussi. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Oui, les Gardiens de la Galaxie. Et Jeff Goldblum, évidemment. Donc, on verra bien. Le 20 juillet, il y a un film où on ne sait pas grand-chose, mais je l'attends pas mal, c'est Bullet Train. Tu as entendu parler ? Écoute, je suis en train de regarder à l'instant T, c'est un film japonais ? Non, pas du tout, je suis tombé sur un boys band. Je te le dis, c'est un film, c'est un avec 5 assassins qui ont tous une mission, et qui, bon, comme d'hab, vont finir par s'entretuer. Et c'est avec Brad Pitt et Logan Lerman. Et Sandra Bullock. Ah. Et Aaron Taylor Johnson. Et Mike. Alors, en vrai, je rigole, mais il y a aussi Michael Shannon. Attends, il y a un bon casting quand même. Hein. Et ouais, et c'est un film. Et c'est réalisé par David Leitch, qui avait fait le meilleur Fast and Furious, à savoir Hobbs & Shaw. Enfin, un des meilleurs, en tout cas. Une idée d'Antoine Foucault, attention. Ouais, il avait fait Atomic Blonde et il avait participé au premier John Wick. Donc, non, ça peut être. Ça a l'air vachement bien, quand même. Ouais, on n'en sait pas grand-chose parce qu'on n'a aucune image, rien, mais. Et oui, c'est il adapté. Et il a réalisé un clip de Céline Dion, éventuellement. Bah, c'est bon, tu m'as convaincu. Non, vraiment, ça. Bah, écoute, je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air vraiment sympa. Mais ouais, en fait, il était décalé, c'était plus début d'année, et on ne sait toujours rien. Donc, en fait, c'est une attente, mais c'est un peu une fausse attente. Donc, ça se trouve, je vais dire, oh mon Dieu, ça a l'air nul. Mais à l'état actuel des choses, c'est vraiment une grosse attente, tu vois. Mais je ne peux pas le mettre dans mes plus grosses attentes, vu que j'en sais rien. Ah bah là, moi, il est allé sacrément. Hein. Je suis vraiment très, très, très, très fan des John Wick. Donc, bah écoute, on verra bien ce que ça peut proposer. Et donc, on passe au gros film de juillet. Le retour de Dwayne, Black Adam. 27 juillet. Ouais, bah écoute, j'ai tellement haï le film Shazam, mais j'ai tellement détesté ce film que j'espère que Black Adam sera meilleur. J'espère vraiment que Black Adam. Surtout, Black Adam, c'est fait par Colette Serra. Et oui. Il retrouve Dwayne Johnson. Oui, mais qui est un faiseur, mais que moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, Colette Serra en général. Donc, on verra j'allais dire, oui, mais Shazam, c'était nul, mais là, il y a Dwayne Johnson. Mais j'ai oublié que dans Shazam, il y avait Mark Strong. Voilà, et Mark Strong, peut-être son pire rôle, on peut en discuter. Hein, c'est... Bah, il a quand même une certaine classe. Mais qu'est-ce que serait Mark Strong dans sa classe? Oui, voilà, non, mais c'est horrible. Dans Shazam, je déteste ce truc. Mais dans Black Adam, il y a Pierce Brosnan en Dr. Fate. Alors, Dr. Fate, tu sais pas à quoi il ressemble. Tu sais, c'est un. Il a un casque, non? Ouais, il a un casque. Ouais, je vois. Ça peut être incroyable. Ah, on verra bien, on verra bien. J'ai pas vu de bande-annonce ni rien de Black Adam. Il y en a pas qui s'est sorti. Il y en a pas eu, en fait. C'est tout simplement pour ça. Après, j'ai vu quelques images des costumes ou quoi. Ça a l'air plutôt classe. Donc, non, on verra. Et là, c'est pour toi. Je ne sais pas si c'est 3 août ou début juillet ou fin juillet, mais il y a Nope. Je te laisse en parler. Il me semble que c'est fin juillet. Bah, c'est le prochain film de Jordan Peele, donc évidemment connu pour Get Out et pour Us. Jordan Peele, c'est pas un cinéma dont je suis forcément ultra fan comme d'autres. J'aime beaucoup Get Out, mais je trouve que c'est loin d'être aussi subtil que ce qu'on peut en dire. En revanche, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Us. Ce qui pour moi est vraiment une petite pépite qui s'est fait défoncer, mais enfin défoncer. Par rapport à Get Out qui s'était fait un peu accueillir un peu froidement, mais qui je pense mérite vraiment une deuxième chance. Je trouve que c'est vraiment un très très très bon film, Us. Et notamment la mise en scène de Us que je trouve assez assez folle. Nope, donc c'est le prochain film de Jordan Peele. On sait absolument rien dessus. On sait qu'on retrouve l'acteur de Get Out, donc Daniel Kaluuya. Il y a Steven Yeun qui avait joué dans Mayhem. Avec ouais, le personnage principal. Ouais, qui est le personnage du principal de Mayhem avec Samara Weaving, qui avait aussi joué dans Minari, il me semble que c'était lui. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, on sait vraiment que dalle dessus. L'affiche est plutôt sympa, donc moi je. En fait, j'ai quand même envie de le voir parce que je vois ce que Jordan Peele peut proposer, en quoi c'est original, mais c'est pas non plus le truc que j'attends le plus au monde. L'affiche est sympa. Ah, l'affiche est vraiment sympa là, avec le petit nuage et tout. Et ensuite Donc, on passe en août. Il y a Secret Headquarters. C'est avec. Ouais, c'est pas très. C'est pas assez, assez inconnu. C'est avec Owen Wilson, Michael Peña. En gros, c'est un enfant qui découvre le quartier général du super-héros le plus puissant du monde sous sa maison. Et il l'aide à le défendre contre des méchants. Donc, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Surtout qu'un des deux réalisateurs a fait Project Power. Oh, très peur. Putain. Mais voilà, c'était juste pour ce que quand même le casting est sympa. Bah, le pitch est rigolo. Après, est-ce que c'est une priorité? Moi perso, je pense pas. Non, mais il y a que ça, tu vois. Ouais. Ensuite. Ensuite, il y a le 17 août, The Man from Toronto. Et ça, pour le coup, ça me tombe plus. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, c'est par le réalisateur de Hitman et Bodyguard. Ouais, c'est en gros, c'est Woody Harrelson et Kevin Hart. Woody Harrelson, c'est un tueur à gages, un assassin hyper reconnu, et Kevin Hart, lui, c'est un, comme d'hab, un plouc. Et à cause d'un Airbnb, ils échangent leur identité. Voilà. Ça me rend curieux. De bah, voir ça a l'air d'être dans la même veine que Hitman and Bodyguard, donc on pourra voir. Voilà, et j'avais bien aimé le 1. Donc, le 1 se défend. Donc voilà, c'est par curiosité, c'est un peu pas mal. Puis que Woody Harrelson, quand il est là, moi j'aime bien. Ok, bah écoute, on verra bien ce que ça pourra donner. Ensuite, on passe au 24 août. Alors, il y a le prochain film de Franck Dubosc, mais on n'est pas obligé d'en parler. Ouais, non. Samaritan avec Sylvester Stallone, encore un truc de super-héros. T'as pas entendu parler non plus ? Samaritan, alors là, pour le coup, j'ai entendu parler. Et ça a l'air vraiment assez intriguant. C'est, Stallone, j'aime bien sa fin de carrière, enfin sa carrière actuelle, on va dire, où il s'est retrouvé à nouveau sub. Bon, il a fait le dernier Rambo. Tu l'avais vu, le dernier Rambo ? J'ai vu aucun Rambo. Le dernier, c'était, c'est vraiment pas terrible. Mais là, Samaritan, c'est le truc où c'est un vieux super-héros. Ça, c'est un côté quasiment Hancock. Ouais, c'est ça, un peu. Et c'est réalisé par celui qui a fait Overlord. Je l'ai pas vu non plus. Je sais pas si je dois le voir. D'un coup, vous me le conseillez, un coup, vous me le conseillez pas. Alors. Bah, Overlord, c'est pas incroyable, mais c'est une grosse série B qui tâche, ça se laisse regarder. Mais Overlord, on peut lui admettre un truc, c'est que c'était assez craspec. C'est-à-dire que quand ça devait montrer des trucs violents ou des trucs dégueux, ça les montrait. Donc au moins, non, je suis vraiment curieux de voir ce que Samaritan peut donner. D'autant que j'avais noté un truc sur le film, mais je l'ai perdu. Bah, si ça me revient, je le retrouve. Donc je passe en septembre, et alors là, il n'y a pas grand-chose jusqu'au 21 septembre. J'ai juste noté Dark Harvest, le 21 septembre. Oui. Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Dark Harvest, c'est... Alors, là, je peux en parler là-dessus, tu m'en veux pas. Vas-y, te plaît. Alors, c'est réalisé par David Slade, qui est pour moi un petit prodige du cinéma horrifique. C'est-à-dire qu'il avait fait Hard Candy avec Elliot Page, et avec Patrick Wilson, qui était vraiment assez dérangeant, assez creepy, qui est un espèce de torture porn, mais en même temps vraiment, vraiment déstabilisant. Il avait fait 30 jours de nuit, qui était un film de vampire que j'adore, qui est très nihiliste, très noir, mais que vraiment j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et après, on l'avait un peu perdu, il avait fait les Twilight, voilà. Il avait fait quelques courts-métrages, tu l'avais vu ou pas, Nightmare Cinema ? Non. Alors, c'était pas incroyable, c'était une anthologie, mais son segment se détachait vraiment. Je trouve qu'il y avait une vraie ambition. Et alors là, David Seller, j'ai pas vu, ça a l'air d'être un film avec un épouvantail, c'est ça ? Non, c'est un épouvantail. C'est un méchant, quoi. Après, je sais pas trop. Bah écoute, j'ai pas vu d'image, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu. J'ai juste vu l'affiche que je trouve vraiment superbe. Elle a un côté conte de fées malsain avec le. Bah si, il y a une espèce d'épouvantail sur l'affiche. J'ai pas d'affiche perso. Regarde bien. T'as l'affiche du bouquin, mais c'est adapté d'un roman, et de la couverture du roman, t'as un épouvantail. Ah oui, effectivement. Mais t'as pas le pitch du tout. Parce que c'est le pitch qui est intéressant. Bah vas-y, devant-moi le pitch. Bah, le pitch, en gros, c'est un tueur épouvantail ou peu importe, qui arrive tous les Halloween, je crois. Et en fait, c'est un peu comme un slasher, tu vois. Sauf que les ados l'attendent pour le tuer. Alors, ils sont au courant qu'il arrive, tu vois. Genre, ils se préparent exprès pour le tuer. Ça part d'un slasher intelligent, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Bah écoute, ça me plaît beaucoup. Mais David Slade, vraiment, j'aime vraiment énormément ce qu'il fait. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, de assez inconnu, mais qui mérite vraiment. Enfin, en tout cas, disons que sur les films qu'il a fait, ses deux premiers, genre Hard Candy et 30 jours de nuit, pour moi, c'est deux pépites. Son Twilight, bon ouais, non, moi je suis vraiment pas du tout client de Twilight, mais non, mais je trouve ça assez abominable. Mais Nightmare Cinema, ce segment, le film n'était pas incroyable, mais son segment se démarquait vraiment, j'avais trouvé. Donc là, c'est un peu comme Black Phone, Scott Derrickson. C'est-à-dire, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans ce registre-là. Donc là, vraiment, je suis content que t'en parles. Pour moi, c'est une très, très, très grosse attente, Dark Harvest. Et oui, je l'attends aussi, par curiosité. Du coup, on peut passer en octobre. Et, le 5 octobre, il y a donc le Chapeauté 2, et le retour d'Antonio Banderas. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou pas. Je pense qu'on est plus sur le « ou pas ». Shrek, soyons honnêtes, depuis le 3, enfin, non, le 4, mais c'est perdu, quoi. Donc, 3, c'est une horreur. Mais après, Chapoté, je l'ai vu qu'une fois et j'étais jeune, j'ai plutôt bien aimé, donc faudrait que je le revoie. Je suis même pas sûr d'avoir vu le 1, mais je sais pas s'il me fait si tant envie que ça, en fait. Bon, c'est improbable, parce qu'on en fait. Mais bon. Et le on verra bien. Le même jour, il y a Novembre de Cédric Jiménez sur les attentats du 13 novembre. J'espère que ça ne fera pas comme le film de Nicolas Boukrieff sur Paris, enfin, sur les attentats justement. Attends que je retrouve le titre de ce film. Nicolas Boukrieff. Attends, il avait fait un film genre, sur les attentats qui était vraiment chouette et qui était quasiment pas passé. Made in France, mais qui était quasiment pas passé justement parce que c'était pas la bonne période. Donc écoute, Cédric Jiménez, j'avais beaucoup aimé Bac Nord. Donc on verra ce que ça peut proposer. Puis le casting est pas mal, hein. Jean Dujardin, Lise de Moustier, il n'y a que des gens comme ça. Ah quand même. Ouais, attends, je te cherche les autres noms. Sandrine Kiberlin. Dans un rôle sérieux, ça peut être intéressant. Je viens de voir qu'il y avait Sandrine Kiberlin. Ah. Bah écoute, pourquoi pas. Je ne sais pas. Je comprends pas, je trouve qu'elle joue si mal. Paf, ça c'est fait. Voilà, allez hop. On passe au 12 octobre avec deux films que j'attends beaucoup. Le premier, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais évidemment. Et le deuxième, c'est Le Visiteur du Futur. Alors, une fois par semaine. Le Spider-Man, perso, c'est le 1. Je considère vraiment que c'est un chef-d'œuvre. J'adore Spider-Man Across Into the Spider-Verse. Je trouve que c'est complètement dingue, vraiment. Et là, le 2, mais je l'attends énormément. C'est vraiment c'est une énorme attente pour moi. Je sais que tu regardes pas les trailers, mais est-ce que tu avais vu celui-là? Oui, celui-là, je l'avais vu. Il est pas mal. Enfin, je veux dire, ça donne envie, quoi, l'animation. Ah, c'est même magnifique. Je veux dire, c'est toujours fluide, super beau. Vraiment, j'ai très, très, très, très, très hâte de ce film. Et donc, Le Visiteur du Futur aussi, adapté de la web-série. Ça, j'ai très hâte aussi. J'adore le collectif. Je vois, là pour le coup, c'est, j'ai jamais énormément suivi. Je vois tout le talent de François Descraques. Je sais que je dois voir la web série, mais c'est juste, j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais je te conseille au moins le début parce que c'est des épisodes très courts. Et j'avais adoré le début, la deuxième saison, la troisième, ça y est, c'est la quatrième où ça commence un peu à partir en cacahuète. Là, bon, peut-être faut s'arrêter quoi. Et du coup, ils font un film, et surtout, même sans parler du Visiteur du Futur, même leur collectif à eux, ils font des super web-séries, quoi. Il y avait La Théorie des Bols aussi, c'était incroyable. Bah écoute, j'essaierai de voir tout ça pour pouvoir rattraper le film. Je pense que c'est mieux. Je sais pas si ça fait suite, si ça repart au début, je sais pas trop. Bah au cas où, vaut mieux regarder, je pense. Voilà, mais non, regarde, ça se regarde super facilement et tout. Tu vois, entre deux petits trucs, tu as un petit épisode, c'est génial. Je ferai ça. Et il y a le quatrième film, Le Petit Nicolas. Mais encore une fois, on n'en parlera pas. Nous parlons que de presque bons films ici. Putain, attends, petite parenthèse, mais je trouve ça quand même hallucinant de voir le nombre de suites de comédies françaises, mais vraiment de merde quoi, qui peuvent sortir. Enfin, genre la comédie française. Pas si mal, parce que c'est un film d'enfance. Maintenant, j'ai jamais vu une suite. Après, faudrait qu'on fasse un épisode un jour sur les comédies françaises en général. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y en a évidemment des très bonnes qui sortent. Mais là, la vache, quoi, je veux dire. Non, parce que Ducobu, c'est quand même ignoble. Et puis dès le 1. Même le 1 est pas bon. Mais dès le 1, quoi, c'est vraiment pas possible. Quoi. Donc, ouais, c'est même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Enfin, le 1, je vais être honnête, le 1, j'ai rigolé la première fois que je l'ai vu, mais j'étais un peu jeune. Et enfin, j'avais vu le 2 en salle, et c'était waouh, quoi. C'est non, c'est pas possible. Non, c'est. Ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Mais non, il faudra qu'on fasse un épisode sur les Danois et Nakash. Là, eux, ils ont de la bonne comédie. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais même sur la bande à Fifi, je pense qu'il y aurait moyen de débattre, de faire des trucs, de débattre de façon assez intéressante sur eux quand même, parce que surtout qu'on a opposé d'avis là-dessus. Donc moi, c'est quelque chose qui me rend profondément allergique. Donc comment t'adhères? Chers auditeurs, vous êtes en train d'assister à la création d'un programme de nos futurs sujets en direct, c'est fascinant. Ah, on tease. Des trucs qui n'arriveront peut-être jamais, on ne sait pas, mais on tease. On tease. Ça arrivera ensuite, forcément un jour, quand on aura 40 ans, on continuera encore et ça arrivera forcément. Ça arrivera forcément et ce jour-là, sache que je préviens-moi à l'avance à nouveau que je puisse dispatcher les visionnages, que je m'enchaîne pas tous les bandes à Fifi en une semaine, quoi. T'inquiète. On passe au 19 octobre avec la fin de la trilogie Halloween, avec Halloween Ends. Alors pour le coup, j'ai vu aucun Halloween sur les vieux, les anciens, les nouveaux. Mais voilà. J'ai bien. Alors, moi, c'est Halloween, j'aime vraiment beaucoup. On fera un épisode dessus un jour. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Et alors, 2018. Préviens-moi en avance, parce qu'il faut que j'espace les visionnages, parce qu'il y en a une vingtaine. Non, je ne sais pas combien il y en a. Attends, c'est facile, regarde, il y a six volets à la saga originale, plus un septième, plus un huitième, ensuite il y a eu deux remakes, donc on en est à 10, et là ça va être le 13e film. Et Rob Zombie, il y en a quoi, deux, c'est ça? Ouais, Rob Zombie, c'est les deux remakes, justement, et j'aime beaucoup les zombies, mais là, le 2018, je trouvais ça franchement honnête comme boulot. Le Halloween Kills était con, mais tellement con, mais il était super violent. Il était assez bourrin, donc ça compensait, on va dire, que donc, si tu t'attends à avoir un slasher de base, ça fait le boulot. Après, parce que Corentin, c'est le... moi j'ai le rythme, Corentin il a le bourrinage, la violence. Non voilà. Mais en fait, c'est-à-dire que le film n'est pas terrible, mais au moins le film est généreux, c'est-à-dire que je me fais pas chier devant, je me dis, bon au moins il y avait un peu de tripaille. Ça passe, c'est ce genre de truc. Mais bon, Halloween Kills, bon, je pense pas non plus que ce sera un grand film, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ensuite, tu parlais de suite de films français, il y a Belle et Sébastien 1000, je sais même pas combien c'est, 4 je crois, un truc comme ça. Voilà. J'en ai vu aucun. Donc j'ai vu le 1 au cinéma, parce qu'on m'avait forcé à le voir. C'était pour l'arbre de Noël d'un de mes parents, je ne sais plus lequel, c'était offert. Et c'était bien? Pardon. Non. Réponse, non. Il y en a qui diront c'est mouvant, si je peux quoi. Genre non, moi c'est juste long et inintéressant, c'est tout ce que je te dirais. Et ça m'intéresse pas. Et je sais pas comment on arrive à en faire 4. Genre c'est juste un chien et un enfant dans une montagne. Je sais même pas te dire de quoi ça parle. Et voilà. Bah écoute, ça sort. Ce film existe. Fin du débat. Et pour finir octobre, alors il n'y a eu pas grand chose, sauf que je traîne sur Allociné en ce moment même, et je suis tombé sur Le Vampire de Barcelone. Les Mystères de Barcelone. Un film espagnol, du coup, et je te laisserai lire le pitch, je ne sais pas, tu viens de tomber, je ne sais même pas que ça existait. Ça se trouve, ça peut être bien. Attends, je suis en train d'aller dessus en parallèle. Qu'est-ce que. Attends, les Mystères de Barcelone, tu dis? Ouais, la Vampira des Barcelona en espagnol. Alors, je le lis à nos auditeurs en même temps. Alors, Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L'une bourgeoise et moderniste, l'autre crasseuse et sordide. Quand Teresa fille d'une famille riche est portée disparue, la nouvelle envoie une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt un suspect, Enriqueta Martí, une femme également connue sous le nom de la Vampira des Barcelona. Pourquoi pas. Oui. On sait jamais. L'affiche est belle. C'est pas mauvais. Hein. J'adore le cinéma fantastique espagnol, vraiment. Et épouvante horreur, à voir ce que ça peut donner. Voilà, je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et l'affiche est vraiment chouette. Si certains de nos auditeurs veulent aller la voir, l'affiche est vraiment cool. C'est vrai. Du coup, on peut passer en novembre avec ce flash. La mort officielle du DCU, c'est un film qui me déprime rien que d'y penser. On verra à nouveau comment est-ce que Warner va tourner la chose, mais je suis très très fan de Snyder. J'aime beaucoup ce que peut faire Snyder. Et voir que tout ce qu'il a fait pour le DCU et que tous ses projets pour Justice League 2 et 3 vont devenir ça, et je veux dire, il suffit de voir les costumes pour le film, là, c'est... Après, on verra, c'est fait par Muccietti qui est pas mauvais, que moi j'aime bien. Et qu'il y a quand même Ben Affleck, etc. Mais, et Michael Keaton. Ouais, mais j'avoue que moi perso, c'est. Julien Lepers. Ouais, mais c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, quoi. C'est. Ouais, c'est tous les films de super-héros. C'est pas un film que j'attends, mais c'est pas un film que je n'attends pas non plus. Bah écoute, on et verra bien, hein, mais ouais. Un film que personne n'attend, mais moi oui. Encore un film de Kenneth Branagh pour bien finir l'année. Il a quand même fait 3 films en une année. Merci le Covid. Le biopic sur les Bee Gees. Oui, ça. J'attends ce film comme pas possible. On n'a rien dessus. On a juste que c'est Kenneth Branagh, quoi. Mais je sais, j'adore les Bee Gees. Je veux voir ce film. T'es au courant que le niveau de kitsch risque d'être très haut. Mais j'aime le kitsch. J'aime le disco. Puis c'est Kenneth Branagh. Je me dis pas n'importe qui sur le projet, donc pourquoi pas. Bah écoute, on verra ce que ça va proposer. Mais ouais, j'avais vu passer le projet. J'ai un peu peur que ça transpire le kitsch à tous les étages. Après, ça pourrait être pire, ça pourra pas être pire que Bohemian Rhapsody. Mais en même temps, ça transpire le kitsch, ça me choque pas. Hein. Si tu fais un truc sur les Bee Gees, c'est un peu ce que t'attends. Hein. Je m'attends pas à un truc hyper réaliste. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute. Moi, nouveau, là, c'est plus de la curiosité, c'est pas une énorme attente, mais vrai, je me dis, on a eu Bohemian Rhapsody, je peux tout affronter. C'est ça. Et surtout que, ouais, les Bee Gees, j'aime bien, donc c'est pour ça que ça me. Contrairement à Elvis, j'ai jamais écouté Elvis Presley, donc. Au moins la BO sera cool. Voilà, je pourrais chanter. Donc, c'est cool. Et on passe au 9 novembre. Avec Black Panther, que je n'attends tellement pas. Je n'avais pas aimé le premier. Je trouve le choix extrêmement surestimé. Donc le 2, on peut passer en vitesse. Moi, perso, je n'en attends absolument rien. Voilà. Ensuite, le 14 novembre, il y a mon anniversaire. Ça, il faut. Le 23 novembre, il y a le prochain Disney, Strange World, le film d'animation Disney. Un pitch, j'ai besoin d'en avoir 1000 fois. Hein. Je dis le pitch halluciné. Fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante, peuplée de créatures fantastiques, en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différents pourront faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission. Bon, c'est un classique Disney, donc si ça se trouve, j'irai sûrement le voir de toute façon, comme tous. Mais ça change, c'est pas une princesse Disney déjà. Ça change. C'est pas quelque chose que j'attends impatiemment, je t'avoue. Ça m'a l'air très très convenu. Oui, j'ai envie de te dire, c'est Disney, quoi. Bah ouais, après, Disney, par exemple, pour moi, ce qui est symptomatique de ce que je commence à leur reprocher, c'était en avant. Et enfin, en avant, Mad Movies avait une phrase que j'ai trouvée assez amusante, qui était, c'est ironique qu'un film qui traite de la perte de la magie, bah, lui-même n'ait absolument aucune magie. Donc, on verra. J'avais bien aimé, moi, après, mais... On en parlera. Quand on fera Pixar. Quand on fera Pixar, c'est vraiment quelque chose qui me veut laisser assez froid. Il y a les The Fabelmans. Enfin, on n'a pas encore de date de sortie française. C'est assez flou, mais prochain film de Spielberg que je n'attends tellement pas. Et je vais pouvoir avouer quelque chose. Spielberg, j'ai vraiment du mal avec mon passé film, mais lui. Pourquoi lui ? Je sais pas. J'ai du mal, il se plaint de plein de trucs. Je trouve qu'après, il fait des trucs qui. Il fait en fait un peu ce qu'il se plaint. Et tu vois, il se plaint de tout ce qui est nostalgie, mais en fait, il trempe là-dedans à mort. Et alors là, voir un film de Spielberg sur Spielberg, ça m'intéresse alors pas du tout. Mais pas du tout. J'avoue que les réalisateurs qui se mettent eux ou qui mettent leur vie en scène, ça peut faire un peu peur. Mais moi, Spielberg, enfin, à nouveau, point de dissension entre nous, mais j'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est. C'est lui, en fait. J'ai du mal avec lui. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, mais. T'avais pas après le casting, c'est-à-dire qu'on a Michelle Williams, que moi j'aime beaucoup. On a Paul Dano, que j'adore. On a Seth Rogen, que. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est un de nos pires voisins. J'ai encore un traumatisme là-dessus. Mais il y a une scène de nos pires voisins. Spielberg qui se met en scène, ça peut vraiment être très très très touchant, quoi. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il peut proposer. Et même de toute façon, Spielberg, je suis vraiment très très client de ce qu'il fait. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément. Mais même si il tape pas toujours juste, genre Indiana Jones 4, mais au moins il fait des choses que je trouve intègres. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait toujours des choses qui propose des choses différentes, qui sait se recycler, qui sait se renouveler. Et bah écoute, moi, je suis vraiment très curieux de voir ça. qui sait se renouveler moyen. Oui, il a les mêmes thèmes, mais je veux dire, par exemple, il te fait Jurassic Park et Ready Player One. Je veux dire, il a quand même ces deux films-là dans sa filmographie. Et le bon gros géant, quoi. Ça, je l'ai vu qu'une fois. J'en garde pas un si mauvais souvenir. Après, j'ai plein d'échos qui disent que c'est bon. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, je dis juste que je trouve que c'est du Spielberg, quoi. Oui, c'est du Spielberg. Après, il a quoi ? Il a 50 ans de carrière derrière lui, le bonhomme, quoi. Donc tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, ça commence à... Un jour, on parlera de Ripper, ouais. Qu'on se batte. Ah non, oui, là on se battra au-dessous. Là, on se battra autour, je le défendrai jusqu'à la mort. Ah ben, moi aussi, mais dans l'autre sens. Ensuite, après The Fablemans. Je dis juste ça, Ripper Owens, c'est un film que j'ai bien aimé au visionnage, et plus ça vit dans ma tête, moins je l'aime. Mais bon, c'est une autre histoire. On en parlera un jour, on en parlera un jour. Pour finir novembre, il n'y a pas de date, c'est juste novembre, c'est Creed 3. Et réalisé par Michael Jordan cette fois. J'adore Creed 2, j'aime beaucoup Creed 1, mais Creed 2 commençait déjà à tourner en rond, donc j'ai peur du film qui se répète. J'ai vu aucun Rocky, j'ai vu aucun Creed, je ne suis pas fan des films de boxe, donc... Suivant. Je veux dire que je ne l'attends pas. Donc on passe en décembre, et alors là, le 14 décembre, on a Aquaman 2. Que moi j'attends beaucoup, j'avais beaucoup aimé le 1, donc... Il faut que je le voie, je n'ai toujours pas vu. Bah, le 1, c'est... Bah, nouveau, moi, je parlais de la mort du DCU, c'est marqué déjà, mais... Le 1 a plein de défauts, notamment quelques trucs d'assez mauvais goût et quelques trucs assez nuls, très honnêtement, juste genre les pieuvres qui font du tambour, non. Mais je l'ai trouvé super fun. Il y a James Wan sait tenir une caméra, vraiment, il filme vraiment très très bien. Et Jason Momoa me fait rire. C'est pas subtil, mais il me fait rire, donc voilà. Et le même jour, Avatar 2. Et alors là, pour le coup, lui, je l'attends pas du tout non plus. Je sais que tu n'es pas fan de Avatar, et c'est à nouveau un choix dont c'est pour qu'on parle. Ceci n'est qu'un euphémisme. Allez, moi, Avatar, c'est un film que j'adore. C'est un film qui m'avait énormément marqué quand je l'ai vu. Je l'ai vu 2-3 fois, et à chaque fois, je me dis, pouah, mais quel film, mon Dieu. Donc, j'admets que, enfin, après Avatar 2, c'est dans celui-là qu'ils ont. Alors, tu t'as peut-être pas beaucoup renseigné, du coup, vu que c'est pas ton film préféré. Mais c'est dans celui-là qu'ils vont explorer les fonds marins ? Ouais, enfin c'était tourné dans l'eau en tout cas. Donc. Parce que si jamais c'est dans celui-là, j'avoue qu'un de mes gros kinks dans les films, c'est les bébêtes aquatiques. Je sauve le choc des titans pour la scène du Kraken, tu vois, je suis à ce point-là. Et ouais, donc Avatar, j'ai envie de revivre la même expérience que devant le 1, cette espèce de côté ultra dépaysant où je découvre un univers. Moi, j'ai pas aimé Avatar, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour le voir. Oh la vache! Je vais m'endormir devant. Je trouve que c'est une histoire qui ne m'intéresse pas. je n'aime pas les acteurs. En fait, j'aime rien dans ce film. Après, je reconnais que c'est beau, quoi. Mais on vient de perdre la moitié des auditeurs. Voilà. Mais très bien. Ben, ils nous reviendront quand on reparlera d'Avatar 2 et que je pourrai le défoncer. Et non, après, ça sera peut-être bien, mais c'est un peu mon truc, quoi. À voir. On verra. Bah écoute, on verra comment ça se profile. Alors ensuite c'est fini. Ah non, il en reste un que j'attends énormément. C'est le film d'animation Super Mario. Mario, je sais plus son nom. Enfin, sur Mario Bros, quoi. J'ai encore des relents du film live Mario Bros. Non, mais rien à voir. C'est fait par Illumination, déjà. Rien que ça. C'est quand même pas mauvais en animation et le casting vocal. Chris Pratt, Jack Black, j'ai plus les noms, Anya Taylor-Joy, que des noms comme ça, c'est incroyable. Charlie Day, je veux voir ce film. Je l'attends. Bah écoute, on pourra voir ça, mais avant que ça se termine, parce que moi aussi j'avais noté quelques trucs, moi plus typé horreur et fantastique, tu me connais. Après, il y a des films. T'avais dit que j'allais en parler. Il y a les films sans date encore. Comment ? Après, il y aura les films sans date aussi. Sans date, oui, exactement. Mais avant tout, il y a un film qui est daté pour le 22 décembre en sortie américaine. Je t'avais dit que j'en parlerais. Ah. Babylone. Non, Babylone, le prochain film de Damien Chazelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Damien Chazelle a réalisé La La Land, qui est tout simplement mon film préféré. Mais vraiment, c'est qu'il y a un film que je... que j'adore, mais que j'adore de tout mon cœur, de toute mon âme. Et juste le casting, Tobey Maguire, Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving. Enfin, déjà, Max Minghella. Brad Pitt fait beaucoup de films en ce moment. Dans la fiche technique, j'avais vu ça. Alors, laisse-moi juste le temps de mettre la main dessus. Musique, Justin Hurwitz. Donc, c'est le compositeur attitré de Chazelle. Il a fait La La Land et il a fait First Man. Et directeur de la photo, Linus Sandgren. Donc, celui qui avait à nouveau fait La La Land, First Man et No Time to Die, le dernier James Bond, qui était quand même très beau. C'est vrai. Donc, vraiment, c'est un film que j'attends, mais que j'attends depuis tellement longtemps. Et j'espère revivre la même claque que je me suis prise devant La La Land et devant First Man. Donc, on verra ça. On passe au film sans date maintenant ? Allez, j'en ai quelques-uns, pas des masses. J'en ai 6 précisément. Un qui n'a pas de date, mais que ça se précise, c'est à couteau tiré 2. Normalement, c'est fin d'année sur Netflix. Est-ce qu'on peut dire que c'est une de tes plus grosses attentes de l'année ? Oui, c'est dans le top 10 en tout cas. Mais j'avais adoré un, j'attends énormément le 2. Donc à voir ce qu'ils en font. Et au casting, on a un beau casting. C'est-à-dire qu'au casting, on retrouve à nouveau Ethan Hawke. Ouais, je sais pas ça. Je sais qu'il y avait Edward Norton. Bah, je suis dessus. Bah, c'est simple. On a Daniel Craig à nouveau. On a Ethan Hawke. On a Dave Bautista. On a Edward Norton. On a Kate Hudson. On a quand même vraiment un... Kate Hudson, elle ressort de je sais pas où, mais ok. Après également, on a, enfin là où c'est plutôt en confiance, c'est la même équipe, mais strictement la même que le 2, que le 1. C'est vraiment tout pareil. Et justement, c'est pour ça que les gens se disent ouais, sur Netflix, tout ça, mais Netflix, on vous donne quand même une grande liberté. Et comme c'est exactement les mêmes personnes, je suis bien curieux de voir ce que ça donne. Ah, j'ai confiance dans le film. Du coup, fin d'année, on peut miser sur une sortie autour de octobre-novembre. Ouais, c'est pour le moment, c'est fin 2022, donc à voir. Après, okay. On reste sur Netflix, et ça c'est pour toi, Avoc, et je te laisse en parler. Oui, bah Avoc, bah, qui est un autre réalisateur, mais que j'adore vraiment, qui est Gareth Evans, qui avait fait The Raid, qui je pense est un des plus grands films d'action jamais réalisés. Et qui a, enfin, Gareth Evans, il n'a pas fait que ça, c'est-à-dire qu'il a aussi fait The Raid 2, qui est tout aussi incroyable. Il avait fait Gangs of London, la série que j'avais trouvé géniale. Bref, c'est un réalisateur que j'adore, que je trouve vraiment être un petit génie, qui a une façon de réaliser, une façon de concevoir l'action et le cinéma que je trouve absolument fascinante. Et donc là, Avoc, c'est un film avec. Alors, c'est à propos d'un. Alors, ce que j'ai suivi rapidement, c'est que c'est autour d'un dealer de drogue, c'est dans les milieux de la drogue et de la mafia. C'est avec Tom Hardy, Timothy Olyphant et Forest Whitaker, et ça a l'air complètement barge, quoi, vraiment. Tom Hardy dit que c'est un de ses, enfin, Tom Hardy, pardon, Gareth Evans a dit que c'est un de ses projets les plus personnels, donc je suis vraiment assez curieux à cette idée-là. C'est fait sur Netflix, donc a priori, ça devrait pas être trop censuré. En directeur de la photo, il y a son directeur habituel, c'est Matt Flannery, qui avait fait la photo de The Raid 1 et 2, du Bon Apôtre et de Gangs of London. Donc en termes de... Enfin, Gangs of London et le Bon Apôtre, surtout, c'est quand même sublime. Même The Raid 2, enfin, The Raid 2 qui a quand même vraiment une belle photo. Et au scénario, c'est aussi Gareth Evans, donc, qui avait écrit la série Gangs of London. Vraiment, c'est un film que j'attends énormément et j'espère sincèrement ne pas être déçu. Et je l'attends aussi beaucoup, que j'ai vu The Raid grâce à toi. Enfin, c'est une merveille. Voilà. Et donc, ouais, je suis curieux aussi. Et c'est fin d'année aussi, il me semble, de mémoire. La fin d'année va être garnie. Hein. Oui. Après, on passe sur Apple TV avec un film que je n'attends pas, le prochain Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon. C'est comme un gros film de l'année. Moi, j'aime. Bah, on en avait parlé rapidement lorsqu'on était sur Layer Cake dans l'épisode sur Vogue, mais j'aime beaucoup Scorsese et Killers of the Flower Moon. C'est. Moi, Je suis un peu mitigé. Je suis curieux de voir ce qu'il peut proposer avec le film. Donc, il le vend comme un néo-western, donc pourquoi pas. Après, sur le casting, on a quand même DiCaprio et De Niro dans le même film et Brendan Fraser. Qui est qui est un acteur que j'aime énormément. C'est-à-dire, je l'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais le peu que je l'ai vu, j'aime bien. Et c'est dommage. Il a eu une carrière qui a vite été mise en déroute après La Momie. Parce qu'il a vraiment vécu des trucs pas terribles. Tu peux retrouver ça sur Internet. Il a une vie pas très simple. Mais là, il revient sur le devant de la scène parce qu'on a, on a ça. On a The Whale. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler. Non. Bah dans The Whale, je l'ai noté dans ma liste. On en parlera après. Le prochain Aronofsky, il a joué dans Doom Patrol. Il joue Robotman. Donc, Killers of the Flower Moon, moi, je suis plutôt curieux. Après... un film, là, pour le coup, on passe sur Apple TV toujours, Argile. Ça, on en a parlé vite fait. Est-ce que c'est ta plus grosse attente de l'année? Non, ma deuxième. Ah. La première, elle arrive juste après. Argile, on peut peut-être pas trop dire de choses dessus. On en avait parlé à la fin de Vogue. Voilà, mais, c'est le prochain film de Matthew Vaughn, casting 22 000 étoiles. C'est ça. Juste avant d'attendre de dire ma plus grosse attente, il y a le film de Cronenberg qui a pas de date encore aussi. Crimes of the Future. Ouais. 2022 normalement. Tu veux en parler ou je peux dire un mot? Je pense que t'es plus qualifié que moi pour en parler. Bah Cronenberg, je suis très très fan de lui, mais surtout de sa période avant 2000. Je trouve que ce qu'il fait, il a sa trilogie Promesse de l'aube, et cette Promesse de l'aube. Attends, c'est quoi déjà les noms des trucs? Attends, je retrouve ça. Ah, c'est ça, dans les années 2000, il a sa trilogie History of Violence, Promesse de l'Aube et Spider, que je trouve vraiment être assez, assez génial. Surtout History of Violence et Promesse de l'Aube, qui forment pour moi un vrai diptyque. Mais après, pour le coup, Dangerous Method, Cosmopolis et Map to the Stars, surtout Map to the Stars, j'avais vraiment pas aimé. Donc, Crimes of the Future, c'est un retour à la SF, un retour au fantastique, à l'horreur aussi. Au body horror, oui. Ouais, au terme de casting, on a Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, on a Howard Shore à la musique. Donc, Léa Seydoux. Yes. Ah, moi, je suis super content, je l'aime bien. Pas moi. Hein. En fait, j'aime, il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime bien, en fait. Ça, tu t'es levé, t'as mis la violence. Voilà. Non mais on enregistre, et c'est le soir, et moi le soir, j'aime pas les gens, c'est comme ça. Paf. Mais je vais terminer avec quelqu'un que j'aime bien. Ma plus grosse attente de l'année qui a toujours pas de date, c'est Opération Fortune de Kirichi. Bah, là, je te laisse peut-être plus parler du projet que moi. C'est Kirichi qui revient à l'espionnage avec Jason Statham pour un film... plus grande échelle, on va dire, comme un peu à la Mission Impossible, mais toujours avec cette espèce de ton comique qu'il a. Et donc le pitch, c'est Jason Statham qui est agent du MI6, qui fait équipe avec une agent de la CIA qui joue par Aubrey Plaza, qui doit déjouer un complot mondial avec un trafiquant d'armes joué par Hugh Grant. Et donc la bande-annonce est sortie et j'ai ultra hâte. Donc déjà quand c'est Richie, j'ai hâte. Mais le film, c'est films d'espionnage, c'est comme un genre que j'aime énormément. Donc, j'avoue que là, l'attente est longue. En plus, il y a eu une date en janvier et ça a disparu. Donc, on ne sait pas quand ça va sortir. Bon, on attend. Et surtout, on avait vu ce que Richie avait fait de Hugh Grant dans The Gentleman, qui, on en parlera lorsqu'on fera un épisode spécial Richie, mais moi, je pense que c'est mon film préféré de Richie, The Gentleman. J'adore ce film. Je ne peux qu'être entièrement d'accord avec toi à cette idée. On peut passer à ma liste ou tu as quelque chose à ajouter? Je viens de chercher au passage, il est prévu 18 mars aux États-Unis, donc à voir quand ça arrivera en France, si ça arrive bien et que ça reste aussi bien, normalement oui. Mais bon, voilà. Plus qu'à croiser les doigts. Voilà. Je te laisse faire ta liste de films que je n'ai pas dit. Alors, moi, pour le coup, ça va être un peu plus. Un peu plus juste donner des titres parce que j'ai pas forcément beaucoup d'infos à chaque fois. Mais ce que j'ai noté Jeepers Creepers Reborn. Je sais pas si tu connais la saga Jeepers Creepers. Je connais, mais je l'ai pas vu. Bah, c'est une saga. Alors, les trois premiers ont été gérés par un type qui s'appelait Victor Salva. Alors, le 1 et le 2 sont vraiment chouettes. Notamment, j'aime beaucoup le 2. J'aime vraiment beaucoup le 2. Le 3 est atroce. Le 3, en revanche, c'est vraiment une merde. Mais après, le 3 avait eu des problèmes de financement. Et en fait, Victor Salva, le problème, c'est que c'est un pédophile. Et que quand tu regardes les films sous cet angle-là, ça prend un aspect carrément malsain par moment. Et donc. DiCaprio. Comment? C'est pas dans Soleil qu'il y avait DiCaprio? Tu confonds sûrement avec Critters. Ah oui, effectivement. Oui, et en fait, donc Jeepers Creepers 4, donc Reborn, donc déjà l'affiche est plutôt stylée. C'est un espèce de berceau un peu maudit, etc. J'en attends pas forcément énormément parce que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire du personnage, en fait, parce que pour le coup, le créateur était indissociable de sa saga. Mais donc je sais qu'il sort et je pense que je le regarderai à sa sortie, tout simplement parce que je suis plutôt curieux et j'aime beaucoup. Le Creeper est un monstre que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais noté Orphan First Kill, le préquel à Esther. Je sais pas si tu as vu Esther. Non, mais je dois le voir. Enfin, ça m'a... Alors, du coup, je vais pas en dire trop pour pas te révéler le twist de fin du film qui a quand même. Ça m'arrangerait. Qui est quand même assez surprenant. Donc du coup le film va sortir, je sais pas pour quand il est prévu, mais il va être fait par celui qui avait fait The Boy, tu sais, le truc de poupée là. Je sais pas si... Oui, je vois, j'ai pas vu non plus, mais je vois ce que c'est. Ouais. C'est pas terrible après. Moi, je, à nouveau, je suis toujours assez curieux. Donc je suis jamais contre les sagas qui s'éternisent, en espérant qu'ils puissent quand même apporter quelque chose. En tout cas, le film est classé R pour l'instant et le vendent plus comme un truc autour d'un film d'enquête. Donc pourquoi pas. Ensuite, The Requin, qui est un truc de Sharksploitation, qui... alors, j'ai pas trouvé grand-chose dessus, mais ça a l'air d'être quelque chose de plutôt honnête. Donc moi, j'aime bien les films de requins en général. Toi, je sais pas si t'aimes bien ça ou pas. Ça dépend. En fait, disons que j'en ai pas vu beaucoup, et dans le peu que j'ai vu, il y a The Meg. Voilà pour perdu. Te dire. Voilà. J'ai vu Instinct de survie, j'ai bien aimé sans plus, mais... En fait, ça me rend curieux, j'aimerais bien en voir un peu plus, tu vois. Bah écoute, celui-là a l'air plutôt sympa. En tout cas, les critiques disent que ça a l'air, disent que c'est vraiment pas mal du tout. Disent que c'est pas incroyable, mais que ça fait le boulot et que c'est plutôt efficace. Il y a Alicia Silverstone, enfin en tout cas les premières critiques, parce qu'à l'heure où on enregistre, j'ai vérifié, le film est sorti aujourd'hui en VOD aux États-Unis, donc vous pourrez savoir quel jour on enregistre. Ensuite, il y a Alicia Silverstone, qui est une actrice que j'aime bien. Après, donc, tu sais, c'est les premières critiques et c'est généralement assez positif. Donc, ça se trouve, le film va se faire complètement déboîter après, auquel cas, il sera dans le flop. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. Après, un film dont je suis surpris que tu n'as pas parlé, c'est X. Ah oui, mais parce qu'en fait, j'en ai entendu très récemment et j'ai oublié de le rajouter à ma liste. De T. West. Oui. Donc, alors lui, ça m'inquiète un peu, oui et non, je sais pas trop, parce que... Bah, T. West, pour ceux qui ne voient pas, c'est celui qui avait fait... que je regarde pour trouver vraiment le petit... Il avait fait, voilà, Cabin Fever 2, que moi j'aime beaucoup. Il avait fait The House of the Devil. Il avait fait un segment pour VHS. Ouais, il avait fait un segment pour VHS, et même un plutôt bon segment, d'ailleurs. Non, c'est le deuxième, c'est celui avec... Attends, que je m'affiche pour moi, parce que pour moi, c'est lui qui a fait le premier. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, pour moi, c'est le deuxième. En ah merde, non, c'est le second. Ah oui, non, c'est le pire. Non, j'ai rien dit. C'est pour ça que... Mais, tu vois, il est quand même c'est quelqu'un qui... On va dire, c'est quelqu'un qui... Tu l'as non. dit, mon vice, c'est... J'ai oublié un truc. Oui. Il a fait, mais ça, on va parler bientôt, mais juste, je tease, l'épisode 9 de la première saison d'une petite série qui s'appelle Scream. Et voilà, je vais jeter mon ordi par la fenêtre. Voilà, hop, je tease le prochain épisode. On tease sur la suite. Bah, du coup, non, l'épisode sur Scream sera déjà sorti quand celui-là sortira, en théorie. Ah oui, pas faux. Tac, mais ouais, donc T. West, moi j'aime bien. Tu l'as dit. T. West, ah oui, ah non, bah merde, du coup. T. West, il aime bien la violence, donc moi je suis. Pourquoi pas. Après, il y a le prochain Hellraiser, le remake, qui va être fait par David Bruckner. Alors, David Bruckner, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui avait fait donc The Ritual, qui est sur Netflix. Je sais pas si tu as pu voir ça. Non, pas du tout. C'était vraiment pas mal. Il y avait une vraie ambiance, quelque chose d'entité. J'aime beaucoup Bruckner. Je trouve que c'est un petit. Et ça me vient de jouer. Tu vois. Il a fait pas mal de trucs. Il a participé à Route 666 avec Radio Silence. Et bien à VHS surtout. C'est là que je l'ai vu. Il a participé au dernier VHS, au tout dernier. Non, au tout premier. Non, pas au tout premier. Il a participé à Siren, qui est. J'ai rien dit. Le premier segment de VHS, Amateur Night. De Siren, enfin, l'origine. Et il est super, son segment en plus. Ouais, il est génial. Tac. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup Bruckner. Je trouve que c'est un petit prodige de l'horreur et je suis vraiment curieux de ce qu'il peut faire de Hellraiser. Et il y a Jamie Clayton, qui est une actrice qui avait joué dans Sense8, qui a été castée en Pinhead. Ah. Je suis très curieux. Ouais, moi, je l'aime pas, mais oh, c'est encore plus que j'aime pas. T'aimes pas Sense8? Non. Enfin, ça dépend des gens, mais elle, je l'aime pas. Je trouve enfin, en ça, fait, ça incroyable. Ça me... En fait, comme il n'y avait que un quart des personnages que j'aimais bien, enfin qui m'accrochaient, tu vois, bof, j'ai dit c'est tombé après une saison, quoi. Ah, compliqué, du coup. Après, on a Evil Dead Rise, donc le nouveau Evil Dead. Alors, au début, je pensais qu'il était réalisé par Fede Alvarez. En fait, pas du tout. Il est réalisé par Lee Cronin, qui a fait The Hole in the Ground, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui n'a pas forcément très très bonne réputation. Oui. Là, c'est une suite, un remake, c'est parce que je sais pas. Alors, je sais pas trop. Alors, c'est censé se passer dans une ville, voilà, dans un appartement de LA pour le coup, de Los Angeles. Fede Alvarez n'a pas l'air impliqué dans le projet, et c'est censé sortir sur HBO Max. Donc après, pour le coup, Evil Dead le 2013 était surtout marquant parce qu'il était ultra gore. J'espère que celui-là le sera, enfin, le sera aussi pour le coup, parce qu'au moins ça permet de enfin, le gore, c'est quand même indissociable de Evil Dead, donc j'espère qu'il sera pas trop aseptisé. Moi, j'aime beaucoup Evil Dead. Je sais pas si toi, t'aimes bien la saga, tu l'as vu? Non, il faut que je la voie. Sur Shadows, il y a le 2 et le 3, mais toujours pas le 1. Donc, faut peut-être que je voie. On se fera un intégral Sam Raimi un jour. Ça m'intrigue beaucoup pour le coup. Et je viens de voir, ça va être une suite à ceux de Sam Raimi. Ah bah écoute, plutôt chouette. Mais après, Evil Dead, il n'y a jamais eu de. À part les 3 de Sam Raimi, disons que. Après, entre le 2013, c'était en même temps un remake, une suite, on ne savait pas trop. Là, je pense que ça va se poser dans la continuité. Après, Disappointment Boulevard, le prochain film de Ari Aster. Oh, ouais. Ouais, c'est peut-être pas forcément trop ta cam. J'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que c'est pas mon truc, quoi. Je trouve que Hérédité... Boulevard, c'était très long. Midsommar, faut rentrer dedans. Mais moi, j'aime beaucoup Midsommar, même si je pense préférer Hérédité, quand même. J'ai pas vu Hérédité, mais ouais, j'ai vu Midsommar, ça m'a pas transcendé. Quoi. Bah, après, Ari Aster, ce qui m'impressionne, c'est que c'est surtout un excellent directeur d'acteurs, et il y a Joaquin Phoenix, donc on verra ce qu'il en fait. On sait pas encore grand-chose sur le projet, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Ensuite, on a... alors là, je sais pas si t'en as entendu parler de ce truc, une nouvelle adaptation des Vampires de Salem de Stephen King. Je sais même pas qu'il y avait une première adaptation. Bah, c'est réalisé par Gary Doberman, qui avait réalisé Annabelle 3, mais qui est surtout scénariste. Il a scénarisé, il a scénarisé les 3 Annabelle, mais il a surtout scénarisé les 2 ça, de 2017-2019. C'est un film de vampire. Moi, j'aime plutôt bien la nouvelle. Il y avait eu la première adaptation par Toby Hooper, qui a un peu mal vieilli, un peu beaucoup d'ailleurs, mais voilà, je l'ai noté parce que je suis curieux de voir ce que le film va être. Je suis très beaucoup de curieux, en fait, beaucoup, on pourra dire que je suis surtout curieux dans cet épisode, mais en fait j'ai assez peur d'être déçu, donc je veux pas trop me monter en sauce, on va dire, sauf évidemment pour quelques films. Après, j'ai noté Don't Worry Darling, qui est le prochain film avec Florence Pugh, qui est vendu comme un thriller psychologique. Donc il y a Florence Pugh, il y a Harry Styles aussi dedans. Oh mon Dieu. Pourquoi pas. Il y a également que j'attends Prey, le nouveau Predator. Oui, mais qui sortira sur Disney+, pour le coup. Ouais, c'est un élément qui me fait plutôt peur, d'ailleurs. Oui, oui. Après, je suis très fan de Predator et je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont en faire, parce que là, ça va être un truc plutôt, pas au Moyen-Âge, mais à la préhistoire, je crois, un truc comme ça. Oui, donc, c'est le tout. Ouais, pourquoi genre. Pas, hein, c'est à voir. Après, il y a Firestarter, qui est une nouvelle adaptation de Stephen King et nouveau, qui est l'adaptation de Charlie, une gamine atteinte de pyrokinésie. Ah, je l'ai pas lu non plus, celui-là. C'est vrai, il y avait une première adaptation avec Drew Barrymore qui était ignoble, et c'est vraiment une des pires adaptations de King. On ne sait pas encore grand-chose sur le remake, le réalisateur, j'ai rien dessus, mais il y a Zac Efron, donc pourquoi pas. Oui, Oui, c'est pas non plus gage de qualité. Hein. Non, clairement pas, mais ouais, peut-être qu'il nous impressionnera dans un rôle dramatique, on ne sait pas. Après, il y a une de mes plus grandes peurs de cette année, qui est Gremlins Secret of the Mogwai. Mais c'est en animation. Oui, mais à quoi ça sert ? C'est une série, non ? Oui, c'est une série qui est censée sortir sur Netflix, je crois. Mais je me dis, mais à quoi ça sert, en fait ? C'est HBO Max aux États-Unis, pardon, HBO Max. Comme chez nous, ouais, c'est Netflix. J'ai envie de te dire, ça sert à quoi Top Gun 4 ? Top 2, pardon. Avatar 2. Ça sert à quoi Avatar 2 ? Bah, Avatar 2, c'est pour développer un univers. Là, c'est juste le 1, en fait, tout est déjà expliqué dans le 1. Ce fantôme, on en a parlé. Hein, mais non, c'est vrai, un point pour toi, ça reste. Bah, après, peut-être que ce sera super. Moi, j'ai un petit peu peur, mais bon. Pourquoi pas? En fait, je suis curieux parce que c'est de l'animation en fait. Donc, ouais, c'est vraiment vrai objectif chose... cette animation, je suis curieux quoi. Bah, le fait que ce soit en animation permettra sûrement une folie visuelle ou quelque chose comme ça d'un peu inattendu. Voilà, après le logo qui était sorti, ça avait l'air d'une animation 3D assez classique. Mais... ouais, donc là-dessus, je suis un peu. Ouais. À quoi? Ensuite, donc j'ai The Midnight Club, qui est une mini-série qui est développée par Mike Flanagan. Mike Flanagan, je ne sais pas si tu as vu ces séries pour Netflix, là, c'est The Haunting ou Midnight Mass. Non, je le connais, mais j'ai entendu que du bien. Bah moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que les films, les mini-séries d'animation ou autres, je confonds avec Gremlins, les mini-séries d'horreur, je trouve ça parfois pas nul, mais... enfin, je trouve que ça ne tient pas sur la longueur, en témoigne Scream. Et là, Mike Flanagan, je trouve qu'il arrive à vous garder un rythme, garder un intérêt permanent. Donc, pourquoi pas ? Écoute, je n'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais pourquoi pas ? Ensuite, j'ai noté Terrifier 2. Alors là, c'est un truc avec un clown tueur, c'est ultra gore. Ben, pour le coup, je cherche Terrifier sur Internet, tu vas sûrement reconnaître la tête du clown. T'écris ça comment ? T-E-2-R-I-F-I-E-R. Ah oui, moi j'ai mis Terry le prénom. Ah oui, terrifié quoi. Moi j'ai mis ouais. Terry dans le prénom, Fire le feu. Ah non, non, non. Et non, à voir. Et non mais alors moi c'est pas que. Je doute pas, ça peut être très bon, c'est juste que les clowns c'est ma grande phobie. Alors, moi aussi, mais là pour le coup c'est vraiment un slasher bourrin et le 1 était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire le 1 c'était vraiment ultra vénère. Et en fait, la particularité de ce personnage c'est qu'il est entièrement muet, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il peut se faire tirer dessus, il peut se prendre tout ce que tu veux, il ne dit jamais rien et il est toujours en train de mimer des trucs. Ce qui donne un côté très dérangeant, très, très particulier. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, j'aime bien les slashers dégueulasses comme ça. Ouais, mais c'est un coup de temps, hein. C'est pas pour moi. Ah, il est vraiment très dérangeant. Ensuite, j'ai noté Dashcam. Alors, Dashcam, c'est réalisé par le réalisateur de Host. Je ne sais pas si tu avais pu voir Host. Non, mais je connais. Pas Host avec le monstre Host, le truc d'ordinateur. C'est pas sur Netflix ça ? Sûrement, en fait, c'est l'histoire de Dashcam. Tu vois ce que c'est les Dashcam ? C'est le truc dans les voitures. C'est les caméras à l'avant des voitures, exactement. Et pourquoi t'as fait des bêtises à la télé ? Bah, voilà, c'est totalement ça. Et en fait, Dashcam, c'est censé être un film d'horreur avec ce principe-là. Donc, curieux, ouais. Host, c'était super bien. C'était vraiment un très, très, très, très bon film d'ordinateur. Tu sais, les screen live comme ça. Donc, je suis vraiment assez curieux de voir ce que peut faire Dashcam. Après, pour toi, j'avais noté, alors là-dessus, j'ai aucune info, mais Time Cut, qui est un film qui est un truc de... alors, il y a des voyages dans le temps impliqués. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. J'ai pas trouvé plus d'infos sur le film. Qui est tout double. Ça peut marcher. Comment ça s'appelait le film que tu avais vu français avec une histoire de colle et de voyage dans le temps qui était nul. Mais la colle, c'était pas nul, hein. C'était une boucle temporelle. C'était pour du film français, ça allait. Hein. Et dis-toi que compare ça à, je sais pas si tu l'as vu, mais à Time Trap. J'ai pas vu ce truc. Ah, ne le regarde jamais. C'est un enfer. Est-ce que ça égalera Primer? Non, mais c'est incomparable. Ensuite, donc là très rapidement, Stranger Things 4, moi je suis pas fan, mais je l'ai noté comme ça. Ouais, ben écoute, soit ma copine veut le voir, soit je ne le verrai pas. Après, il y a un peu moins ça. Après, il y a Hocus Pocus 2. Alors, Hocus Pocus 2, il y a un détail qu'ils ont oublié, c'est qu'en fait, le truc sort en 2022 et c'est la suite d'un film qui date de 94, ce qui est toujours un bon signe. Hein, c'est... Et puis, alors, pour le coup, j'ai jamais vu le premier. Et j'ai pas envie de... J'aime pas le premier, donc voilà. Ensuite, alors j'approche de la fin, je rassure à nouveau. J'avais noté, tac, alors celui-là je le garde pour plus tard, celui-là je le garde en dernier parce qu'il m'a vraiment, je pense qu'il peut intriguer. Vortex, le prochain film de Gaspard Noé. Oui, j'ai toujours vu aucun Gaspard Noé, donc pareil, je n'attends pas grand-chose. Moi, je suis, à nouveau, c'est beaucoup de curiosité. Le projet intrigue énormément, c'est pas grand-chose dessus, donc pourquoi pas. In Search of Darkness 3, qui est le troisième opus d'une série de documentaires sur l'horreur des années 80. C'est plein de fanservice et de références. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, on verra. C'est sur Shadows, ça. Oui, c'est sur Shadows. Et pour le coup, alors, le 2 a quitté Shadows il y a un mois, mais tu as le 1 dessus. Si tu as l'occasion de le voir, vraiment fonce. C'est très, très touchant, très honnête. Et tu sens que ça déborde de passion. Donc, si jamais tu as le droit. C'est épisode 1, 2, 3, 4 sur Shadows. Oui, en fait, c'est une mini-série en 4 épisodes. C'est assez coupé. Ok, d'accord. Mais je te rassure sur un truc. Après ça, tu n'auras qu'une envie, c'est de voir tous les films notés dedans. Vraiment, c'est assez impressionnant. Oui, j'essaierai. C'est intéressant. Ensuite, on a Sandman, qui est un truc sur Netflix. Là-dessus, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations aussi. Ça a l'air d'être une production Netflix horrifique classique. Ça n'a rien à voir avec l'Homme Sable. Non, absolument pas. C'est dommage. Mais ça a l'air de typer super-héros, de ces super-héros horreur. Donc, moi, c'était pas classé R ou je sais pas quoi. Si, c'est classé R et c'est surtout tiré de Neil Gaiman, dont on a parlé dans Vaughn sur Stardust. Et il me semble, j'ai vu ça, et ouais, il s'est développé par David S. Goyer, qui est un scénariste qui est vraiment très bon, très mauvais réalisateur, en revanche, un Blade 3, mais que je trouve être un vraiment très très bon scénariste. Après ça, il y a Z comme Z, qui est un film de Michel Hazanavicius, de zombies. C'est vrai que j'ai pas parlé, mais je suis très curieux. J'ai toujours pas vu l'original, parce que je voulais le voir, j'ai eu des problèmes, j'ai pas pu le voir. Au final, j'ai toujours pas vu. Mais Hazanavicius et ce projet, ça m'intrigue beaucoup. Mais écoute, à nouveau, je me suis pas beaucoup renseigné dessus, je veux vraiment pouvoir découvrir ça. Mais je suis. Tu n'es pas renseigné dessus, en même temps, c'est un remake, donc si tu as vu l'original. Oui. T'as pas surpris, toi. Après, on a Pinocchio et on en a deux. On a le Del Toro en stop motion, que j'attends énormément. J'ai toujours pas pu voir Nightmare Alley, mais genre, j'ai très très hâte, d'autant plus qu'on a Ewan McGregor dans le rôle de Jiminy Cricket, on a Kate Blanchett, on a John Turturro, on a Ron Perlman, on a Christoph Waltz qui joue le renard, on a Tilda Swinton. Vraiment, Perlman, comme c'est étonnant. Ah, mais j'attends ce film énormément avec une musique de Alexandre Desplat. Ça va être sublime. Ça fait très Wes Anderson. Ah oui, non, mais ça va être bien. Et c'est juste marrant. En face, on a également le Pinocchio de Zemeckis. Et là, j'avoue, je suis un peu plus mitigé. Oui, Il y a Tom Hanks, mais il y a Luke Evans aussi. Il y a Luke Evans. Wow. Mais c'est un remake Disney, quoi. Et c'est pas. Aladdin. Surtout Zemeckis. Enfin, si je suis très honnête, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais enfin, son dernier film, là, Les Sorcières, c'était vraiment pourri. Bienvenue à Marwen, c'était bien. Allié, c'était pas fou. Enfin, tu vois, ça alterne un peu, je trouve. Il était intéressant dans son début de carrière, oui, excusez, mais c'est vrai que maintenant, bon. Tu penses à une des meilleures sagas cinématographiques, j'ai nommé Retour vers le futur ? La meilleure. Et même après, t'as qui la peau de Roger Rabbit et Forrest Gump, Seul au monde, je sais pas vu ces deux derniers, mais enfin, il avait quand même grosse renommée, c'est vrai que ces dernières années, ce qu'il a fait ces dernières années, pas grand chose. Bah, ce que t'as dit, quoi. Ah, si, il y avait The Walk en 2015, c'était pas mal. The Walk, que je n'ai toujours pas vu. Bah, c'est pas mal, à part l'accent français de Joseph Gordon-Levitt, c'est pas mal. Ensuite, j'ai noté, alors là, j'en avais parlé dans l'épisode sur Barry Sonnenfeld, la suite de Il était une fois. Oui, mais ça, j'en ai parlé. Il était une fois deux. pourquoi pas, qui est à nouveau produit par Son and Fed. On espère qu'il ne va pas nous mettre une blague de caca de 15 minutes. Mais non, bon, c'est les Orphelins Baudelaire, c'est le dernier truc qu'il a produit et réalisé. Je veux y croire, je veux y croire. Et de, bon, dedans, on retrouve Amy Adams, on a Patrick Dempsey, on a James Marsden à nouveau. Donc, James Marsden, pour l'anecdote, qui me fait penser à Kevin Bacon, un peu, je trouve, dans son visage, je ne sais pas pourquoi. Ouais, en moins bon. Oui, quand même. Mais moi, j'aime beaucoup James Barnett parce que je trouve qu'il a un capital sympathie très fort. Et quand je le vois dans un film, je sais pas, il me rend heureux, tu vois. Par contre, le réalisateur, est-ce que tu as vu qui c'était ? Non, c'est qui ? C'est un certain Adam Shankman. Il a fait quoi ? Qui a, entre autres, fait. Il a fait Rock Forever, Airspray, donc le truc musical, et il a surtout fait Babysitter. Au secours. C'est le truc avec Vin Diesel, ça ? Oui. Oui, quel enfer ce film, mais quel enfer. Oh merde. Et après il a fait Rock Forever et Airspray, mais j'étais pas un grand fan de Airspray, mais ça reste dans la musique. J'ai vu aucun des deux, j'ai vu Babysitter, donc je pars bien. Bah, il y a une esthétique assez particulière, donc pourquoi pas. Il a fait 13 à la douzaine 2 aussi. Attention. Ouais bon, ça on va oublier. Après, il a fait, enfin après ce que j'ai noté, Wormwood 2, Road, donc Apocalypse. Donc je sais pas si t'avais vu le premier Road of the Dead. Non, ça me dit rien du tout d'ailleurs. C'était un peu Mad Max avec des zombies. C'était pas incroyable, c'était avec un budget d'1 million, c'était australien, mais ça se tenait, le concept était cool. Ben Wormwood Apocalypse, il finit sa tournée des festivals là. Il a l'air juste dingue. Ça a l'air d'être Mad Max avec des zombies. Ça a l'air ultra cool, beaucoup de critiques disent que c'est plutôt vénère, donc je suis très curieux de voir ce que le projet va donner. Après, très rapidement pour finir, Venecia Frenia, qui est le prochain film d'Alex de la Iglesia, qui est vendu comme un slasher horrifique espagnol. Ah oui, le truc, il y a eu des premiers retours là-dessus, apparemment c'est Space. Hein. Ah ouais, apparemment c'est Space, mais c'est Alex de la Iglesia, donc moi je suis client. J'ai pas vu de gros bons retours, quoi. J'ai trouvé du tout. Bah après, sans que c'est comme tout, c'est-à-dire que, enfin, tout, bah, comme beaucoup de la Iglesia, c'est-à-dire ça divise pas mal. Mais moi, je suis assez curieux. Il finit sa tournée des festivals et après, il ira a priori sur Amazon Prime Video. Il va aller dessus. Ensuite, c'est un truc que j'ai déjà, hein, comme Disney Plus. On a également The Sadness, qui est un film de zombies qui a l'air ultra vénère, ultra méchant, qui est un truc, c'est attends que je vérifie d'où ça vient ce film. C'est taïwanais et ça a l'air ultra, beaucoup de critiques disent que c'est ultra violent et ultra méchant, donc moi je l'attends. Et à l'heure où on parle, il a été annoncé aujourd'hui qu'il sortait en salle en France, donc yes, on croise les doigts. Également Inexorable. Je viens de voir le pitch, ça m'intrigue. Ah, ça a l'air super. Et également Inexorable, le prochain Duvels. Là-dessus, il est encore en tournée des festivals, mais il me demande s'il n'est pas déjà sorti. Non, je pense qu'il est déjà encore en tournée des festivals. Et pour le coup, il y a une date. Je ne l'ai pas cité, mais c'est 6 avril. 6 avril, Inexorable ? Ouais. Bah écoute, moi je suis plutôt curieux, j'aime beaucoup ce que fait Duvels. Ensuite, on a La Abuela, qui est le prochain film de Paco Plaza, qui est un des deux qui ont réalisé Rec. Ouais. À nouveau, il est encore en festival, à l'heure où on parle, il a été diffusé aujourd'hui à Gérardmer. Je l'attends énormément, j'aime beaucoup, beaucoup Paco Plaza. Après, il y a The Munsters, qui est le prochain film de Rob Zombie, qui a priori devrait sortir cette année. Je croise les doigts, j'espère que ça ira. Et le dernier film que j'attends... Ah, c'est une comédie horrible, c'est pour moi. Non, pas non. C'est Black Glasses. Le prochain film de Dario Argento, avec la musique faite par les Daft Punk. Parce que Dario Argento, on fera un épisode sur lui un jour, tu verras, il y a énormément de choses à découvrir. En plus, je suis sûr que ça peut plaire. Peut-être pas ma voix, mais peut-être voix de quelqu'un d'autre. Peut-être, ne tisse pas trop. Mais je suis. Non, en vrai, je suis certain que ça peut te plaire, Argento. Tu verras, il y a du rythme. C'est plus que ça, mais c'est un côté slasher. Ah non, t'inquiète pas, c'est bien mieux que ma vie de chat. Donc, on est un peu perdu. Ça ne me plaît pas, c'est toi qui revois ma vie de chat. Attention. Ah, alors, c'est une menace. Après, Black Glacis, donc on l'a un peu perdu, enfin un peu beaucoup perdu depuis les années 2000. C'est-à-dire que pour moi, son dernier bon film avec des guillemets, c'est... Ouais, bon, je suis très très fan et je sauve la scène d'intro du Sang des Innocents, mais c'était vraiment nul. Enfin, le reste du film était vraiment nul. Donc pour moi, son dernier bon film, ça date, enfin ça remonte, ouais. Ouais, même pas le syndrome de Stendhal, hein. C'est peut-être Trauma, je dirais. Enfin bref. Argento, on l'avait un peu perdu. On verra du coup ce que ça peut donner. Il va être diffusé, il me semble, à Berlin ou à Venise. On n'a pas encore été diffusé à l'heure où on parle. Et donc j'espère de tout cœur que ce film sera pas le retour, parce que je pense qu'il se fait un peu, il se fait peut-être un petit peu vieux pour vraiment revenir et tous nous claquer. Ouais, voilà, c'est bien Trauma, son dernier bon film. Mais il se fait peut-être un peu vieux pour tous retenir et nous claquer comme ce qu'il a fait dans son âge d'or. Mais voilà, c'est un truc qu'on attend, enfin que moi j'attends et que j'espère être qualitatif. Donc voilà, on est arrivé à la fin de nos attentes de l'année. T'as encore quelque chose à ajouter, Melvin ? Il en manque un, le prochain Fincher. Oui, The Killer, qui sortira sur Netflix, qui est avec Michael Fassbender. Et moi perso, je l'attends de façon un peu mitigée. J'avais vraiment pas trop accroché à Mank, donc c'est pas. Même si là, c'est un retour au thème de prédilection de Fincher, donc plutôt le côté analyse psychologique, le côté recherche du mal dans l'être humain. On verra ce que ça peut donner. On se dit à la fin de l'année peut-être un bilan pour essayer de décortiquer tout ça, voir comment c'était. Oui, notre top, on fera un top cette fois. On fera un top et je pense... Un top général, comme là, quoi. Général, et je pense aussi... J'ose espérer qu'on aura peut-être plus de top que de flop, du coup. Bah, on a une sacrée... On a une sacrée brochette, on a de tous les styles, on a de l'horreur, on a de l'aventure, on a de l'action, on n'a pas beaucoup de comédies romantiques, hein, mais... Je sais combien, je ne regarde que très peu, donc... On est deux, donc là-dessus, on aura sûrement toutes sortes de sujets à aborder. Et ben du coup, on invite éventuellement les auditeurs à nous laisser en commentaire leurs plus grosses attentes, si jamais ils en ont également, et qui n'hésitent pas évidemment de venir nous rejoindre sur la page Instagram du podcast. Et d'ici là, on se dit, à l'heure où vous l'écouterez, l'épisode suivant devrait sortir a priori la semaine suivante. Donc on leur dit à la semaine prochaine. Allez. Salut. Salut.